assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. On reçoit les gens derrière l'événement de science-fiction Réunion Stellaire 4. On parle politique avec François Landry. Et on se crée des problèmes pour mieux les régler avec Sam Smith, ça devrait répondre là. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 18 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Oui, on n'a pas déménagé. Non, pas encore. Et il y a du trafic sur l'autoroute aujourd'hui, François. Ah, il y a du monde. En fait, j'étais arrivé, là, je viens juste d'arriver là, quand Mathieu était déjà en studio. L'émission est quasiment partie, il arrive. Ah, j'arrive. Il me fait peur en entrant. Sérieux, il a réussi à me faire peur. Mais on dirait que je suis le même. Hein. Je suis comme c'est nerf. Et c'est nerf. Je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce c'est nerf. Pourtant, Mathieu, t'as pas à l'aide parce qu'aujourd'hui, on a une émission quand même chargée. Oui, et pas trop. Non. Mais ça va être une de qualité. Oui. Et on va commencer ça en force aussi vers les 7h30. Uh-huh. Hein? Avec quoi exactement? Avec c'est Réunion Stellaire 4. En fait, c'est une genre de convention. C'est dans la même lignée que le Comic-Con à New York qu'il y a eu récemment. À Montréal aussi? À Montréal, exactement aussi. Avec plein de vedettes du domaine de la science-fiction qui vont être présentes. Ce sera donc, ça se passe du 26 au 28 octobre prochain. On va en parler à 7h30, oui. C'est super intéressant. J'ai hâte d'entendre parler de ces vedettes-là. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Des conférences? Qu'il va y avoir la possibilité d'avoir un dîner ou un déjeuner avec une vedette quand même. Donc, c'est vraiment bien. OK. Si vous payez pour eux. Donc, c'est à 7h30. Mais je pense qu'on va avoir des billets aussi à faire tirer. Exactement aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir dans l'émission d'aujourd'hui? À 8h30, François Landry sera là pour Logocratie 101. Et cette semaine, son sujet est le suivant. Ce n'est qu'un au revoir. Oh! De qui on parle? Devine. À chaque fois, tu devines comme pas tellement bien. Non, vraiment pas. T'as peur, ce n'est qu'un au revoir. Zambito? Zambito? Zambino? Ouais, la commission Charbonneau? Non? Ouais. Je sais pas. Mais je pense qu'il a fini de témoigner. Bref, hier, c'était son contre-interrogatoire. Finito, Zambito, au revoir. Ciao. Hasta luego, mi amigo. Bon. Bye bye. Ça va faire, hein? Je sais pas. Écoute, on verra tantôt. Sinon, entre tout ça, je décide encore de l'ordre dans lequel je vais faire ces choses-là. On a la chronique « C'est un fait Kinky Sexy Time Edition ». Je sais pas si on va faire ça là ou à 8 heures. Et « Sex, mais ça devrait répondre là ». Même chose, interchangeable, ces deux chroniques-là. Donc, on verra. Okay. Pour l'instant, on commence avec Hot Panda et la pièce « Language », une très bonne pièce de palmarès anglophone qu'on écoute pas assez souvent. La voici à l'instant. 89 FM, c'est fou! En fuego. En fuego. En feu. Ocho nueve uno. 89 FM, c'est fou. Can buy now. MGMT Electric Feel sur l'album Miracular Spectacular. Electric Feel! Oh yeah! C'est bon ça le matin, écoute, ça te met dedans. Tu dis. En plus, c'est la dernière aussi d'Assemblage Requis pour cette semaine. Oui, pour la semaine, hein, jeudi c'est le nouveau vendredi pour tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est comme notre vendredi, donc. Party! Party! Party this weekend! maintenant, tiens, parlant de faire le party cette fin de semaine et peut-être dépenser de l'argent sur des choses pas très utiles, tu sais. On a besoin de choses, nous. On a besoin d'objets, François. D'objets, c'est ça, je voulais dire. Ça. Ouais, si ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. C'est la chronique où on se crée des besoins, où en fait, on s'invente des problèmes dans la vie. Ensuite, on trouve des solutions à ces problèmes-là et on est content. Ouais, exactement, c'est ça. On commence avec, si c'est l'Halloween bientôt qui s'en vient, pour vous aussi, hein. C'est nous, c'est l'Halloween qui s'en vient, vous, c'est l'Halloween qui s'en vient. Je pense que toutes les religions ont pas mal l'Halloween en même temps, pour les pays qui célèbrent l'Halloween. Mm-hmm. Et je sais pas qui ne célèbre pas l'Halloween. Je pense qu'en France ou en Europe, il n'y a pas tellement d'Halloween, hein. Pas comme ça. Je sais pas. Je sais pas. Bref, t'as un costume, mais ça manque de son, ça manque d'effet sonore. Tu veux pouvoir, quand tu marches, faire des bruits à chacun de tes pas. Okay. Hein? Ou tu veux pas. Ou tu veux pas, mais où tu veux encore. Ça s'appelle Mega Stomp Panic. C'est des effets sonores qui fonctionnent avec vos pas. C'est vraiment super le fun. Ça a 9 différents effets sonores qui sont activés par le mouvement, qui se synchronisent avec vos pas. Pour chaque banque de son, il y a 2 sons. Un pour quand tu lèves la patte et un autre pour quand tu appuies sur le sol. Hein? Et ça s'attache à ta poche. En arrière de ton pantalon. Et ça s'allume, il y a de la petite lumière autour de ça, donc peut-être ça va vous rendre plus en sécurité aussi. Ça utilise un accéléromètre pour contrôler, dans le fond, pour savoir les mouvements que vous faites, pour créer l'illusion auditive. Vous pouvez choisir entre un robot hydraulique, donc un robot qui marche et qui pile sur des choses. Il y a un choix du oui, son. Oui, 9 différents sons. Il a marché dans une flaque d'eau, attaque de zombies, monstre gigantesque, voilà. chevalier médiéval, pirate avec une jambe de bois, héros de jeux vidéo qui ramasse des scènes puis qui fait des piou piou piou piou piou piou. Et un paquet d'autres choses comme ça. Allez voir, en fait, j'aurais peut-être pu vous faire jouer le son si je l'avais prévu d'avance. Attends un petit peu. Parce qu'il y a une vidéo en bas de l'article sur assemblagerequis.com. Je pense que ça pourrait valoir la peine. Oui, allons-y. Tiens, on va écouter ça. C'est bien Thing Geek en plus le produit. Oh! Là, ça, c'est le gars qui marche. Toc, toc, toc. Méga saut ici, hein. Ouais, ça va. C'est vraiment le fun. J'adore ça. Donc, ça coûte 40$ sur Thing Geek. Allez-y, procurez-vous ça maintenant. Je pense que si vous n'avez pas ça à l'Halloween, vous êtes des perdants. Bon. Ensuite, vous avez un iPhone, vous avez besoin d'un étui, mais tant qu'à acheter un étui, aussi bien acheter un étui qui va vous donner des options de plus peut-être dans le futur si les développeurs sont de votre bord. Donc, c'est le Sensis iPhone Case qui ajoute 2 surfaces touch sensitive, donc des surfaces tactiles à votre iPhone, en arrière et sur les côtés. Okay. Pourquoi pas? Donc, si tu peux, t'imaginer une façon de faire. T'aurais une compagnie de jeux vidéo qui intègre le Sensis à son application. Tu pourrais contrôler ton jeu en tapant en arrière de l'écran. Tu sais, au jouer au iPhone, tu caches tout le temps l'écran avec tes pouces. Ouais, tout à fait. Donc, l'idée est vraiment géniale. Ouais, c'est pas pire. Ils disent avoir plusieurs compagnies de leur bord. Évidemment, c'est assez facile à dire. Là, j'ai l'air qu'on voit combien ils ont de compagnies. Ouais, et ce qui sortent, là. On dit que ça devrait être disponible pour 59$ dans le premier quart de 2013. On peut précommander maintenant pour 40$. C'est pas cher pour un produit qui va peut-être sortir. Donc, allez-y si ça vous intéresse. C'est le Sensis iPhone Case. La surface est en arrière et sur les côtés aussi. Tu vas pouvoir contrôler par le côté du téléphone. Bon. Good. Ensuite, des souliers qui ont des dents. J'ai essayé de trouver quelque chose de plus cute que ça. Des souliers qui mordent. Si okay. Donc, c'est des Apex Predator Shoes fabriqués à partir de 1050 dents. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations sur les souliers, mais ça a été inventé en 2010 par 2 artistes, Mariana Fantich et Dominic Young, pour Fantich & Young. Et chaque soulier est fait de 1000... Ben, en fait, la semelle est faite de 1050 dents de dentier, donc pas vraiment des vraies dents. OK. Il y a des dents en or à l'avant du soulier. Quand même pas si pire. Ouais. Je sais pas, ils veulent faire comme un genre de... Une comparaison, un genre de comment t'appelles ça? D'analogie par rapport au fait que les humains sont au sommet de la chaîne alimentaire et peuvent tout manger en dessous d'eux. C'est ce qui a l'air d'être... Ouais. En tout cas. Ensuite, une montre, c'est jamais assez cher. Hein? On aime ça des montres de luxe. Ouais. C'est ça. Donc, c'est la nouvelle Roman Jérôme Watch qui, dans le fond, contient des parties, des morceaux d'une vraie voiture DeLorean, tu sais, comme dans Retour vers le futur. Ah ouais? C'est cool, c'est une très belle montre. Très, très belle montre. C'est des morceaux donc, d'une DeLorean DMC 12 et ça rappelle la voiture classique. On a juste 81 de fait? En fait, c'est ça. Il y en a. En fait, il y a 6500 voitures DeLorean, donc déjà, c'est pas beaucoup. Mais en plus, ils ont seulement fait, comme tu disais, 81 de ces montres-là qui vont coûter 15 900 $ chaque. On est content qu'il y en ait si peu de fait parce que sinon, de gâcher de si belles voitures DeLorean alors qu'il y en a si peu, ce serait déprimant. Mais il y en a encore sur la route. J'en ai vu une cet été. T'as vu ça pour vrai dans la vraie vie au Québec? Ouais, ouais. Pas en Ontario? Non. Ah, wow. Au Québec. Avec les portes qui ouvrent, genre... Ben, je l'ai vu, il roulait, là. OK. J'ai pas demandé sur l'autoroute. Excuse! Oui! C'est comme quand tu rencontres un trucker, tu fais... Avec le bras, là. C'est ça. Donc, tu ouvres tes portes, tu renvoies le bras par en l'air. tiens, si tu veux envoyer le bras par en l'air et faire peur aux gens, il faut le Star Wars Wampa Arm Ice Scraper. En fait, c'est fait pour déglacer ta vitre de voiture. Le nom est génial, hein? Star Wars Wampa Arm Ice Scraper. Mais c'est basé sur le Wampa, la bestiole dans la Guerre des Étoiles, exactement. Donc, et on pourrait même dire, en fait, ils disent plus bas dans l'article, que Star Wars Severed Wampa Arm, donc c'est un bras détaché, là, ça vient pas avec la bébite, là, c'est vraiment juste un bras qui a été coupé de l'animal. Donc, tu peux faire le Jedi sur ta voiture cet hiver, comme Luke Skywalker a fait avec Hoth, ou je sais pas, je connais pas, je suis même pas vu Star Wars, je suis un geek, j'ai pas vu Star Wars, mais je m'assume là-dedans. Ça. Donc, c'est une mitaine de polyester confortable qui va garder votre main au chaud, hein, pendant que vous nettoyez le pare-brise, que vous grattez la glace sur la... Ben, en fait, c'est plus pour la neige, je pense, que la glace. Ouais. Je pense pas que c'est vraiment fait pour le Québec, mais quand même. Et ça coûte combien, cette affaire-là? C'est sur Thingeek, encore une fois, pour 25$. Ça dit la glace. Ice Scraper, tu sais, quand tu dis Ice Scraper dans le nom du produit, probablement que ça peut servir à de la fine glace. Je sais pas. Je sais pas. J'aurais des doutes par rapport à notre glace ici. Je pense pas que tu puisses donner des coups avec, tu sais, comme avec un bâton. Non, je pense pas non plus. Non. Ensuite, prochaine idée, j'adore ça. T'as une douche à la maison, mais tu trouves que c'est donc laid d'avoir tout le temps un rideau de douche dans les jambes, tu sais. Nous, on ferme le rideau de douche pour pas que la douche soit visible, tu sais, de la toilette. J'aime pas ça voir la douche. Je trouve ça plus beau avec un rideau. J'aime pas ça voir la douche. Ben, tu sais, quand tu peux cacher le bain. Hey. Non, tu caches pas le bain. Je t'agace. Le bain est là. Mais mettons que t'as un beau bain, t'as un beau mur de briques en arrière, comme dans la photo sur assemblagerequis.com. Il faut ce rideau de douche-là qui se monte dans le plafond, toi. Donc, ça fait une salle de bain un petit peu plus propre. Ça ressemble un petit peu à un rideau avec une petite chaîne de plastique. Wow. Ça ressemble à ça. Une toile. Ouais. Je trouve ça cool une toile, moi, pour vrai. La lumière te dérange la nuit ou la moindre. Ouais, c'est. Il n'y a rien qui passe au travers de ça. Hein? C'est le fun, ça, quand même. Donc, voilà, c'est. Je sais pas si ça vous dit de vous procurer ça. C'est une compagnie basée en Allemagne, EcoJerk, qui fabrique une variété de styles et de couleurs. Et puis, il a l'air d'être plus. On dit flatter, plus plat qu'un rideau de douche typique. Sûrement parce que, comme ça, c'est plus facile de l'amener dans le rouleau en haut sans avoir un gros rouleau épais. Donc, je sais pas si ça protège autant de l'eau. J'imagine. J'espère. Espérons-le. C'est ça. Et ça donne un look un peu comme une vitre de douche, ça. Quand c'est vraiment descendu, ça ressemble à une vitre. Mais c'est un rideau. Eh bien, bref, voilà. On dit que c'est pas en vente nulle part aux États-Unis, mais si ça vous intéresse, allez voir l'article. Il est peut-être recommandé sur un site allemand. Ensuite, t'es dans le métro, François, ou peut-être même, je sais pas, peut-être en classe, pendant un cours de... C'est quoi ton cours? Analyse quantitative. Je me rappelle jamais de ça. Analyse quantitative, d'accord. T'as l'air de même, toi, pas t'en souvenir. Ah non, je m'en souviens. Donc, il faut le Upright Sleeper, François. C'est une façon de pouvoir dormir sans avoir à pencher ta tête. Moi, j'aime pas ça. Non, c'est laid. Hein? On dirait une affaire que tu portes quand t'as un accident d'auto. Faut que tu tiennes le coup droit, là. Ouais, un carcan. Un carcan. Caroline, un poil carcan, c'est bien. Un poil carcan. Non, mais écoute-moi, tous ces bébelles-là, là, tu sais, pour soutenir ton cou, il existe des espèces de U pour mettre en arrière et s'accrocher sur ton siège. Et sur les côtés, là, en fait, là. Ça, j'haïs ça. Mais ça, c'est trop mince. Le upright sleeper est vraiment élevé, je sais pas, non? Justement, ça tire un peu par en haut. Tu peux pas dormir. Moi, je dormirais jamais. Je suis pas capable de dormir sur une chaise assise, fait que ça. Moi non plus. Mais en auto, de temps en temps, tu sais, tu croches. Genre, quand il est 2h du matin, t'arrives de Montréal, une journée de magasinage, ça peut m'arriver. Mais sinon, je dormis. Moi, non. Je suis bien fancy dans ma façon de dormir aussi. Bon. Je te comprends. Bon. On se comprend. Donc, c'est ça. Si ça vous dit, vous, que vous êtes capable de dormir assis dans le métro, dans le train, en voyage ou pendant un cours, n'importe quoi, c'est sûr que vous allez avoir l'air complètement imbécile, mais vous allez voir la solution s'en vient après. Je sais pas si t'as vu la deuxième photo. Donc, le carcasse, c'est comme une espèce d'affaire, on dirait des tuyaux de PVC ou des tuyaux de plastique, genre bizarre. Et ça tient ton cou et tu peux le recouvrir d'un genre de velours ou de satin. Je pense que c'est un satin. C'est tellement laid. Bref. Tu mets ça autour de ça, c'est vraiment laid. Allez voir la photo, faut que vous fassiez ça. Sinon, ça coûte combien tout ça, ce gadget-là? Sur SkyMall, ou sinon connu sous le nom de CrapMall, ça coûte entre 10$ et 47$. Non, attends un peu, là, il doit y avoir... Ça, c'est seulement si t'achètes... OK. Si t'achètes seulement le cover et le sac, là, c'est 10$. Ensuite, le Upright Sleeper, 40$ et l'ensemble, 47$. Donc, vous économisez 3$ si vous achetez l'ensemble. Super. Ça va à peine, hein? C'est un deal, c'est un deal. Ensuite, t'aimes les petits cadres où il y a un oiseau qui se met à chanter quand t'appuies sur un bouton, je sais pas c'est quoi, là, tu sais, le petit poisson qui chante. Hein? T'as jamais vu ce gadget-là? Non. C'est un petit poisson qui chante, qui se plie sur le mur, sur une affaire de bois. Non. Ça? Non, en tout cas. Bref, c'est le même genre de poisson, sauf que celui-là peut voler, François. Oh, wow! C'est un poisson volant, c'est le Air Swimmer Remote Control Inflatable Flying Base Sphere. Ben c'est cool, par exemple. La photo, ça a l'air louche, la photo, je trouve. Ben, ça a l'air... Écoute, il y a de l'air semi-réaliste. Oui, ouais, non, mais pour vrai, il y a l'air d'un vrai poisson. Justement, peut-être que l'emballage, c'est en effet un vrai poisson qui ont photoshopé sa boîte. Je sais pas. Je sais pas si c'est une photo qui est supposée capturer la vraie vie, parce que le gars, et le petit garçon et son père dans le salon ont l'air tellement rajoutés. Ouais, ouais. Ça, c'est pas cas, génial. Mais c'est pas réussi du tout. Donc, on dit que le poisson peut nager dans les airs. C'est un vrai bass fish. Comment t'appelles ça? Une bass? Comment ça s'appelle, ce poisson-là? Je sais pas. Écoute, je suis pas un expert non plus de dans le domaine, mais... Non, non, c'est ça. On n'écoute pas assez de... C'est à quel poste qui passe les émissions de pêche? Ben, RDS, il y en a. Ils ont ça, genre? Oui, ils ont ça. Ils ont tout, eux autres. Hein? Ils ont tout. Donc, c'est un ballon d'hélium. C'est un ballon rempli d'hélium avec une pile, une télécommande infrarouge pour le contrôler dans n'importe quelle direction. Pas besoin de l'air, pas besoin de bateau, n'importe quoi, arrière de ça. Et ça, sur Amazon.com, là, comment ça se fait? 23$. OK, et il arrive gonflé, ça, l'histoire là, du pot? Ah, je pense... Ah, peut-être. Avec l'hélium, non, sinon. Mais non, non, sûrement qu'il arrive pas de l'hélium, sinon ton paquet, il va s'envoler de chez vous. Il va falloir que t'ailles chez... Le facteur l'a échappé. Écoute... Ça me rappelle qu'il y a une paire de souliers sur un fil électrique devant chez nous en ce moment. Faudrait appeler à ville. Ça, c'est un signe, hein? Ça veut dire quoi, ça? Il y a des gangs de rue. Ah oh, non, pour vrai? Ben, c'est... Mais c'est deux souliers différents, un jaune puis un rouge. Attachés ensemble, là, puis tirés. Ouais. Ben, c'est ce que la légende dit. Un gang de rue, ça proche de Chavigny puis du Coconut Bar. C'est pas... Eh ben, c'est pour genre mon territoire, je crois. C'est pour là. Ouais, c'est ça. Il va pas partir de controverse à ce matin. Place de pisser ses murs, il lance des souliers des fils électriques. Ouais, pisser, ça, c'est plus l'histoire des chiens. Chats. Chiens? Ben, les chiens. Les chiens? Les chats aussi? Les chats, qu'est-ce qu'ils font? Non, les chats, c'est d'autres choses qui squirt, je pense. Là. Je suis pas un animal. Je sais pas ce que tu veux dire. Je sais pas ce que ça veut dire, c'est ça. Je m'expliquerai tantôt. Couif, est-ce que c'est ce que ça veut dire? Couif! En tout cas. Donc, vous avez une télé haute définition à écran plat et c'est dommage parce que depuis qu'on a des télés à écran plat, on peut pas mettre d'affaires dessus. D'affaires dessus. Tu peux pas mettre tes télécommandes, tes manettes de jeux vidéo, etc., etc. Donc, il te faut le Screen Deck Flat Screen TV Shelf. Hey, les titres à matin, là. Les autres sont vraiment descriptifs, tu sais. Pas de petit nom catchy, juste le Screen Deck serait bien parfait, ça. Donc, c'est une tablette qui se monte avec des trous de vis qu'on trouve à l'arrière des télés communément entre 37 et 47 pouces. Et ça vous donne une petite place pour mettre télécommande, haut-parleur, console de jeu, sensor pour peut-être la Wii ou la Kinect. Et puis, des trucs comme ça, peut-être même vos lunettes, vos clés. Juste à pas mettre de verre d'eau, s'il vous plaît. Ouais, non, c'est ça, exact. Pas recommandable. La tablette, c'est pas révolutionnaire. Oui. Non, mais sur la télé, je trouve que c'est pratique, tu sais. Parce que t'as souvent plus de... Tu sais, t'as pas nécessairement à cette heure une table en dessous, ça. Ouais, des mais tu sais, ton décodeur ou... J'avoue que la plupart des gens... Ton DVD ou... Ouais. Je suis bien d'accord avec toi. T'es console? Je sais pas, moi, je serais pas porté à mettre des choses au-dessus de ma TV. Non, mais pour la barre de la Wii ou de la Kinect, ça, par contre, c'est plus ça qui m'attire. Tu peux la fixer au mur, sinon. Ouais. Aussi, mais, sinon. Bon, c'est vrai. Ça mesure 17 par 5 pouces. Et moi, c'est le genre de choses que j'aimerais acheter. C'est sur TaylorGifts.com. Ça coûte 29,98. 30$. Ensuite, si vous avez écouté le Dîner de cons hier, vous avez entendu parler, en fait, Danny Janvier parler d'une poupée qui était sortie par une association de personnes handicapées. Donc, pour faire parler d'eux, ils ont sorti une poupée qui appelait genre la poupée un peu genre débile, tu sais, genre. genre maltraiter l'air comme vous maltraitez les personnes avec une capacité intellectuelle réduite. Donc c'était comme un genre de message qui voulait passer avec ça. Même chose pour Baby's First Baby, où okay. c'est une poupée bébé qui est enceinte d'un bébé qui est enceinte d'un bébé. OK. OK, donc le bébé a une grosse bedaine et à l'intérieur un bébé, et ça dit sur l'emballage que le bébé à l'intérieur un bébé aussi. Je sais pas si c'est une vraie poupée que tu peux acheter, mais quand même, c'est pour faire parler du fait que, tu sais, l'exploitation des les mères adolescentes, tu sais, la musique plus, mettons, il y a tout le temps des émissions 16 ans et enceintes, je sais pas quoi, là. Donc, de plus en plus à la télé, on montre des jeunes filles enceintes comme si c'était juste normal, puis on les suit, puis c'est quasiment glorifié. Là, il y a aussi des jumeaux qui sont disponibles. Oui, des petits jumeaux. Des petits jumeaux. Bizarre. Parce qu'il y a aussi l'abus de jumeaux à la télé en ce moment. Hein? Il y a aussi l'abus de jumeaux à la télé en ce moment. Ah, c'est beaucoup de séries télé-réalité avec des jumeaux. Okay. L'idée est bonne. Ensuite, je vais passer rapidement sur les prochaines, on manque de temps. Il y a entre autres une chaise roulante qui peut monter les escaliers. J'ai pas lu l'article au complet, là, mais vous pouvez aller voir la vidéo de comment ça fonctionne. Il peut passer par-dessus des objets et peut monter des escaliers. Ensuite, ça c'est le fun, c'est des bas Kevlar. Donc, tu sais, des bas en Kevlar. En Kevlar, super résistant. Ah, il n'y a rien qui passe au travers de ça. Les vestes par balles, c'est fait de Kevlar. C'est ça. Ben, c'est ce que je me demandais, c'était qu'est-ce qui était fait avec ça. C'est de calibre militaire. Donc, tu as un élastique militaire en haut. Ça dit que tes bas ne baisseront jamais. C'est comment j'ai dit que mes bas baissent. Base de carbone pour le talon. Lycra. Technologie donc anti-descente. Et un truc de Kevlar et de carbone pour le bout du pied, donc les orteils. Ça a l'air vraiment bien, disponible en plusieurs couleurs. Bleu, genre, noir et une espèce de beige. Un genre de beige bizarre. C'est 5$ par paire qu'on c'est demande. Pas si pire. C'est sur Kickstarter, donc on ne sait pas si ça va être produit finalement. C'est le genre de comment dire d'enjeu si tu décides d'acheter quelque chose sur Kickstarter. Mais quand même, l'idée est bonne et j'aimerais ça juste aller cliquer le lien, voir s'ils sont rendus à leur. Ils ont dépassé, c'était un but de 10 000 $. Ils sont à 24 337 avec 646 personnes et 16 jours restants. OK. Donc, mais Kickstarter, là, si ça n'a pas lieu, ils te remettent ton argent? Non, je crois vraiment que quand tu... Quand tu le donnes, tu le donnes? Quand tu le donnes, tu le donnes. OK, s'ils ne partent pas le projet... Je crois pas qu'ils te remboursent ton argent. Mais l'argent va où? Bonne question. Va à celui qui ne part pas le projet? Donc, ça serait pas avantageux de partir le projet. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Très bonne question, excellente question. Je vais me renseigner là-dessus. Parce qu'il me semble que j'ai entendu quelqu'un que je suis sur Internet, dire qu'il avait investi beaucoup d'argent sur des projets qui n'avaient pas marché. Il en avait reçu juste un, puis c'était vraiment pas son préféré. Donc, j'imagine que ça voulait dire qu'il a perdu son argent, mais je sais pas. Ah. Honnêtement, je ne le sais pas. Et pour terminer, on teste sa vision avec un Pokémon Eye Chart. Tu sais, j'ai l'optométriste, tout le temps des lettres que tu dois prononcer de plus en plus loin ou quelque chose comme ça. Ouais, exactement. Après les posters d'anatomie de oui. Pokémon, c'est vraiment l'optométriste Pokémon. Et il faut connaître ces Pokémon pour pouvoir les nommer. Je serais pas bon. Pikachu en premier, je pense. Oui, ouais. Ça c'est l'évidence. C'est le standard, mais sinon, écoute, le reste... Tu comptes lis pas? Ben, j'aimerais bien, Mathieu. C'est un poster de 12 par 18 pouces, ça vous intéresse, allez voir ça sur assemblagerequis.com, le Pokémon Eye Chart. Et voilà, pour ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Good! Merci, Matt. Ça me fait plaisir. Dans quelques minutes, on parle avec les gens de Réunion Stellaire 4 qui s'en vient à Trois-Rivières dans les prochains jours. En fait, c'est du 26 au 28 octobre 2012, mais pour l'instant, on écoute The Theory of Relativity. Est-ce qu'on l'a joué hier, celle-là? Oui, on l'a joué hier. Je m'excuse, on l'a joué hier. Je m'en rappelais plus. Pas grave, c'est pas grave. On va écouter Foxy Shazam à la place. Okay, parfait. Vas-y, qu'est-ce que tu disais? Non, parfait. Écoute, après ça, on pourrait peut-être entendre ma jume. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, on écoute Last Chance at Love de Foxy Shazam tout de suite au 89.fm. C'est fou! Can I hold you up too far for a touch?

commandé par un promoteur, quelqu'un qui est devenu un ami, qui voulait lui aussi réitérer l'expérience et lancer deux autres événements similaires, toujours à La Réunion. OK. Et c'est là, à Trois-Rivières. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à amener, dans le fond, cet événement-là à Trois-Rivières? Pourquoi tu vous as choisi cette ville-là? Ben, nous, je dirais, moi, je suis là depuis 3 ans, OK? Je venais souvent sur le continent pour travailler dans le milieu des conventions de science-fiction. Je connaissais beaucoup l'ouest du continent. Et en arrivant à Trois-Rivières, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des gens qui étaient oubliés sur le côté fans de comic book, science-fiction, fantastique. On se rend compte que c'est aujourd'hui quelque chose qui nous touche tous. On en mange tous les jours. Hein, je veux dire, les résultats au box-office des films le prouvent. Et la proximité, si tu veux, des grandes villes de Trois-Rivières, je veux dire du Québec, par rapport à Trois-Rivières, nous a fait penser que en combinant le potentiel qui a amené la région, plus la possibilité de déplacer des gens de ces grandes villes. Là, on parle Montréal, Québec, ouais. Sherbrooke. En fait, Trois-Rivières, c'est comme vraiment central. Là. C'est ça. Okay. Et on s'est dit que pourquoi aller se perdre dans un endroit où il y avait déjà énormément d'événements, où ce serait difficile de se faire un nom, de créer une réputation et de stabiliser l'image de la marque. On s'est dit que Trois-Rivières pouvait être une bonne option et justement amener un côté peut-être plus humain dans sa formule. On veut personnaliser également le concept de Réunion Stellaire 4, ou en tout cas de cet événement qui aura lieu, on l'espère, tous les ans à Trois-Rivières, par rapport à la taille, je vais dire, et à l'ambiance chaleureuse de la ville en général. Et plus simplement, nous sommes 2 trifluviens, donc c'est beaucoup plus simple aussi pour nous d'opérer ici que d'opérer à distance. Donc tout ça combiné fait en sorte, et le lieu aussi qui a été déterminé pour réaliser la 4e édition, pour nous, c'est tout on est gagnant sur tous les points là, à ce point de vue-là. Puis en même temps, on a les commentaires que les gens, ils se déplacent souvent à Montréal puis sont très heureux que ça se passe chez eux. Oui, okay. Tout à fait. Les gens vont venir de loin pour venir assister à quelque chose de science-fiction. Quand on est fan, on se déplace, on aime ça. Donc les gens de Montréal et de Québec vont pouvoir venir à ça. Ça se passe au centre de jeux. C'est ça, de Salon des Jeux de Trois-Rivières. Salon des Jeux de Trois-Rivières et toute la partie, on va dire... Restaurant, j'imagine, ça va se passer en haut. En fait, on utilise un peu tout l'espace. Okay. C'est que le restaurant va servir de lieu pour les conférences. Les acteurs, tu sais, vont passer tout au long de ces 2 après-midi, le samedi et le dimanche, sur scène, répondre aux questions des gens, commenter leurs expériences, comme dans toutes les conventions du monde en général. Et puis, toute la partie... basse qui correspond à l'hippodrome va abriter les kiosques et les séances de dédicaces ainsi que les studios, enfin les settings de photos pour les photo-ops. Okay. Justement, parlons-en plus en détail de ces activités-là qui vont avoir lieu du 26 au 28 octobre. L'horaire un petit peu de l'événement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire une fois rendu là-bas? Nous déjà, ce qu'on veut avec Réunion Stellaire, ça a été toujours le mandat de ces événements, c'est de vous offrir la possibilité véritablement de rencontrer les acteurs. Mais quand on parle de rencontre, on parle pas d'une table et de 20 secondes derrière une table de dédicace. Ok, ça effectivement c'est un exercice obligatoire. Ce genre d'activité, il y a des choses qu'on fait de cette façon-là. Donc ça c'est une règle. Vous aurez le samedi et le dimanche la possibilité d'aller récupérer des autographes et de vous faire prendre en photo avec les artistes. Donc ça amène un temps limité. En revanche, on a prévu pour vous 2 événements majeurs. En fait, 3 événements majeurs où vous pourrez rencontrer les acteurs, passer du temps avec eux sans être frustré par quelqu'un qui va vous dire bon maintenant time's up, il faut bouger, c'est au suivant. Okay. C'est ça le plus de Réunion Stellaire, c'est ça le gros message aujourd'hui qu'on va essayer de faire passer, c'est que le vendredi soir, le dimanche matin lors d'un brunch et le samedi soir lors d'une grande soirée, on aura les invités de Réunion Stellaire qui seront là pour vous rencontrer. Ils le savent, ça fait partie même, j'ai envie de dire, du contrat, mais ils n'auraient pas signé ce contrat s'ils n'avaient pas envie de le faire, mais tu non, vois. C'est ça. Oh, ouais. Donc l'idée, c'est que pour la plupart, Il faut savoir que bon ben être, devenir une machine à signer hein, pour un être humain normal, devenir un robot qui signe des feuilles, voilà, des photos toute la journée, c'est pas, peut-être pas toujours ce qu'il y a de plus fun. Ça va être oui rémunérateur parce que bon ben effectivement il y a une partie des recettes et on vous la prend pas. Je veux dire les autographes on les vend, hein, on vend le ticket d'autographe, on vend le ticket de séance de photos et là-dessus bon ben il y a des profits, il y a des choses qui se passent financièrement qui font que oui ça ramène de l'argent surtout et souvent aux artistes. Maintenant. Oui. Ce côté-là, ils sont pas tous friands, d'accord. Et nous, on propose, bah oui, on propose d'aller rencontrer les fans, d'aller, on leur propose d'aller dire merci, d'aller d'une certaine manière. C'est grâce à eux que ces artistes. Exactement. Peuvent vivre. Exactement. Aujourd'hui, s'ils en sont là, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont suivis pendant des années. Et puis certains même, comme je pense à Michael Shanks, qui sera notre président d'honneur, qui jouait le docteur Daniel Jackson dans Stargate. Lui, s'il a une carrière qui continue à tourner, c'est aussi parce qu'il a des fans qui le suivent aussi au fil des années. Hein. Quand il a fait Hawkman dans Smallville, il a continué à être suivi par sa fanbase. Donc c'est une manière aussi pour eux de venir nous remercier directement, de venir à la rencontre des gens et ça, bah écoute, ils le font très bien. Certains d'entre eux ont déjà travaillé avec nous et savent que bah, cette partie-là, elle va être plutôt plaisante que plutôt être une tâche difficile à accomplir, si tu veux, voilà. Ouais. Parlons, vas-y. Ouais, ben peut-être juste un peu dire les ambiances des soirées, les thématiques. Le vendredi soir, ben c'est sûr que c'est la grosse ouverture. On l'a appelé Jet Set Stellaire parce que on y va vraiment là, le côté un peu. On profite de cette thématique-là un peu hollywoodienne. Donc ça va être avec tapis rouge puis tout ça. On devrait être bien fringué. nous les organisateurs par notre partenaire le Roi Mauricien des Habits. Donc cette soirée-là est vraiment pour rencontrer, mais dans une ambiance quand même, j'ai envie de dire high class. Et l'aspect convention plus traditionnel, ça va être le samedi matin. Que ça va débuter avec une conférence de Patrick Lambert. Puis là, on tombe entre la réalité et la fiction. Monsieur Lambert est un chercheur autonome, puis il va essayer de nous convaincre avec sa théorie que les Stargate existent vraiment. Oh, intéressant. Ça, c'est très intéressant. Mm-hmm. Le samedi soir, eh bien, comme l'Halloween le veut, ça va être le gros party avec les DJ Sigur Rós. Sigur 51. Sigur 51. C'est notre DJ, on en a deux, mais il y en a un, c'est un alien, un gris. Okay. Ouais, c'est un gris. Hein, c'est un extraterrestre type gris avec ses gros yeux noirs. Et il sera assisté de My Gloomy Machine. Et évidemment, ben, on invite toutes les gens à être costumés parce qu'il y aura un concours de costumes. Et évidemment, on se déguise en personnage de science-fiction de préférence. Tu te déguises en ce que tu veux. Tu te déguises en ce que tu veux. Puis la personne qui va attribuer le prix est la reine des raids, donc Andy Frizzle. Mm-hmm. Et puis, ben, le dimanche, ben, c'est ça. Ça va être quand même un dimanche brunch classique. Donc, est-ce qu'on peut dire qui va être là pour le dimanche matin? Ouais, le dimanche matin, en fait, on a Brandon Routh qui était Superman dans Superman Returns. Il y aura Michael Shanks, je le disais, Daniel Jackson dans Stargate SG-1. Et puis, on a une invitée qui est, pour ceux qui ont déjà pu apercevoir notre site web, qui n'y figure pas encore, puisqu'on a eu la nouvelle hier. Tori Higginson, qui était le Dr. Ware dans La Porte d'Atlantis, qui est une dame extraordinaire. On a déjà travaillé avec elle sur Réunion Stellaire 2. Les gens vont vraiment apprécier de rencontrer cette dame-là qui est excessivement adorable. Je voulais aussi souligner le fait que, et puis on aura peut-être un bonus aussi sur cette matinée. On est en train de le négocier également pour avoir des gens en plus sur ce brunch. Mais on veut mettre l'accent sur cette soirée du samedi soir où là, on a véritablement tous les invités qui sont là pour vous rencontrer. On les a concentrés en une seule soirée. C'est ça, ils sont tous là en même thème. Ils sont tous là en même temps. C'est là qu'on rencontre Jewel State. C'est là que vous rencontrez. Tu la rencontres déjà si tu peux la rencontrer le vendredi soir parce que on aura Michael Shanks, on aura Michael Logan, donc le colonel Ty de Battlestar Galactica. On aura l'ancien capitaine Apollo et qui jouait aussi Tom Zarek de la nouvelle série Battlestar qui est Richard Hatch. Il y aura également Sébastien le disait, Andy Frizzle qui est la reine des Wraith et Jewel State. Voilà, ça c'est pour la rencontre Jet Set Stellaire du vendredi. Et puis le dimanche soir, le samedi soir, il y aura vraiment à peu près tout le monde, sauf Michael Logan qui va nous quitter. Mais il y a Sam Huntington qui est dans Being Human et qui jouait le Jimmy Olsen dans Superman Returns également, qui sera là. Ça, c'est un nouvel ajout très récent. Oui. Hein, écoute, on veut se donner les moyens aussi de faire un petit peu comme les grands. d'être. Tu sais, on est, on n'est pas venu à, on n'a pas décidé de lancer un événement à Trois-Rivières en diminuant les attentes et les enjeux. En mettant des petits noms que personne connaît, c'est pas ça le but. C'est vraiment des noms. Non, on aurait pu, tu sais, souvent un démarrage, mais un démarrage efficace, ben, se fait que quand tu te donnes les moyens d'arriver à faire quelque chose de bien. Exact. On aurait pu avoir, tu sais, souvent des gens qui n'ont pas tourné depuis un petit moment, qui restent très populaires, du style Darth Vader ou des obscurs, là, tu sais, pas has-been, mais juste assez obscurs. J'irais pas ça, mais qui sont qui amènent au niveau de la du promoteur, si tu veux, on dépense pas beaucoup, on peut garantir un retour, on va dire raisonnable, mais qui, à mon sens, n'est pas suffisant pour te mettre sur la map, quoi. Pour te démarquer. Voilà, on a quand même en face de nous, on respecte beaucoup ça. On a quand même en face de nous des gens comme le Comic Con de Montréal, qui est devenu une organisation au bout de quelques années, qui est assez énorme. Et New York, qui est quand même relativement proche. Oui, aussi, ils ont annoncé, d'ailleurs, c'était la fin de semaine dernière, ils ont annoncé quand même 115 000 personnes, ce qui est assez monstrueux. Donc, c'est certain qu'on ne veut pas, il est hors de question pour nous de compétitionner contre ça. Maintenant, il était important aussi de se positionner avec des artistes, des noms que les gens connaissaient, ou au pire même que si tu connais personne, t'en connais au moins un. Oui, quoi. Tu reconnais au moins une personne visuellement, juste en regardant les faces des gens. Et les autres t'ont dit quelque chose, à un moment donné, tu les as croisés, tu sais, ah bah tiens, oui, lui, je l'ai. Donc nous, on voulait se positionner avec ça en disant, voilà, nous, on vous propose aujourd'hui quelque chose qui est à un niveau, le plateau, il est à un niveau international. C'est qu'on a, en plus des acteurs qui sont jamais venus au Québec, Montréal compris, je veux dire, ils n'ont jamais fait de prestations similaires au Québec, dans la région et même dans ses environs proches. Donc c'est aussi une première occasion pour eux de venir goûter un petit peu la saveur régionale, de voir un petit peu ce qui va se passer ici, comment les gens réagissent, et puis pour nous aussi de dire voilà, Réunion Stellaire arrive avec quand même des invités de choix et vous ne perdrez rien à venir essayer de les rencontrer, de voir à quoi ça ressemble, parce qu'on est bien conscient également que pour beaucoup c'est une première. Il y a plein de gens qui se disent enfin ça y est, j'ai pas besoin de me déplacer, j'ai pas besoin d'aller payer du stationnement toute la journée. Il y en a qui hésitent à sortir, à aller voir ces conventions-là ailleurs au Québec ou au Canada. Tu veux réagir là-dessus, Sébastien? Ben, en fait, moi, je t'écoute parler depuis tantôt par rapport aux autres. Non, ce que je veux dire, c'est... Il fait ça très bien. ce que je veux dire, c'est lui qui possède... c'est Monsieur Réunion Stellaire, donc c'est lui qui est à même de mieux en parler. Mais ce que je voulais juste amener comparativement aux autres conventions, c'est que c'est vraiment la première fois... est-ce qu'on peut dire mondialement là, c'est le premier type d'événement comme ça où on peut vraiment s'asseoir avec les gens. Je veux dire, si l'ambiance est bonne le samedi soir, je veux dire, ces acteurs-là vont danser comme tout le monde. Là, ils vont avoir du plaisir. Ils vont manger avec le même bacon que vous autres au brunch. C'est ça. Donc ça, c'est sûr que par la force des choses, il y a une partie qu'on nomme convention, mais c'est plus que ça. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et ce qui est important de dire, c'est que ça s'est jamais fait encore. Donc Réunion Stellaire est vraiment précurseur en ce sens-là et audacieux aussi de le faire ici dans une région comme Trois-Rivières. Donc moi, c'est là-dessus que je réagis, puis c'est là-dessus que je veux faire comprendre ça aux gens, que dans une autre convention, parce que forcément il y a des comparatifs qui vont se faire, parce que bon, les autres aussi conventions ont des acteurs, etc., mais dans la façon de faire, on est unique. Oui, et moi je peux vous dire une chose, c'est que il n'y a jamais eu aucun de nos invités dans le passé qui, à un moment donné, a regardé sa montre en disant « ça y est, maintenant, je vais... » Ou « je reviens plus jamais. » Voilà, non, c'est... Tu vois, c'est le fait qu'il soit... Bon, pareil, si tu veux, et ça, je veux aussi expliquer aux gens qu'on sait exactement ce qu'on fait, qu'on maîtrise notre opération, dans le sens où s'ils sont là aujourd'hui, ces gens-là, c'est pas parce que j'en sais rien moi, on a construit un téléporteur juste à Trois-Rivières et puis tiens bon on va l'essayer pour la première fois, on va venir à Trois-Rivières parce qu'il y a un téléporteur. C'est que si on pouvait, ça serait bien, ça serait génial. Ouais, ça nous coûterait moins cher en billet d'avion. On travaille là-dessus. Superman n'a pas voulu venir en volant, il a voulu plutôt voyager en première classe, donc on est un peu déçu de ça. Mais Patrick Labert, il nous cherche la porte. Mais le truc, c'est que si ces gens-là viennent à Trois-Rivières aujourd'hui, c'est qu'ils ont aimé les expériences de Réunion Stellaire avant ça. Donc, si les acteurs les ont aimés et ont aimé rencontrer leur public à l'époque, nul doute que cette année, à Trois-Rivières, les mêmes choses se reproduiront. Je veux dire, ça, c'est évident. Ouais. C'est bon signe. Et puis, écoute, on pourrait parler un peu forfait parce qu'il y a une panoplie de forfaits qui sont à faire. Oui. Je sais pas, en fait, là, par où commencer. Quelqu'un qui veut peut-être juste aller faire un tour et est un peu gêné, veut peut-être pas nécessairement rencontrer les artistes, c'est sa première parler. Fois, là, il veut peut-être juste les voir. C'est... Quel forfait vous conseillez? Alors, nous, on a essayé de penser à tout le monde, OK? On a pensé budget dans un premier temps. Effectivement, si tu as juste envie de voir ce que c'est, et puis éventuellement récupérer un autographe ou une photo, tu peux rentrer le samedi pour $30. Les enfants de 0 à 10, c'est 15. Okay. Ce sera $10 pour les enfants le dimanche. Donc on a $25 le dimanche et $30 le samedi. Pourquoi $30 le samedi? Puisque on a plus d'invités ce jour-là, tout simplement. Brandon Routh, donc Superman, sera présent toute la journée de samedi. Et pour le brunch du dimanche matin, il sera là avec nous aussi également en soirée, jusqu'à assez tard d'ailleurs. Donc tu peux rentrer et assister à toutes les conférences qui vont se succéder tout au long de la journée. Donc tous les invités vont arriver sur scène. On a mis en place des panels assez dynamiques. Ça va brasser pas mal parce que on a une journée assez chargée le samedi. Et puis ça peut te donner l'envie peut-être de venir le dimanche, hein, ou peut-être te dire waouh, c'est vrai qu'ils sont là. Parce que je peux te dire quelque chose. On sait pas ce que c'est tant qu'on l'a pas vécu. Mmh. OK. On voit même nous, hein, tu sais, au niveau de notre réalité, on voit des listings, on voit des noms sur des pages, des photos sur notre site web. Et puis l'autre jour quand Brandon m'a envoyé sa vidéo promo, là ça a commencé à se faire tilt. On s'est dit tiens, ouais, il dit Trois-Rivières dedans. Là, voilà. Ouais, ouais. C'est la réalité, elle est en train de se profiler et quand tu rencontres ces gens-là, l'impact si tu veux visuel, parce que s'ils ont des carrières à la télévision, au cinéma, c'est que le charisme est là, hein. Donc l'effet que ça cause sur le public est immédiat. Tu peux te dire waouh, OK, je suis peut-être rentré, j'avais pas prévu ça, mais peut-être que la soirée d'Halloween sous les étoiles à $80 ce soir, ça vaut peut-être le coup d'y aller. Je voulais vous dire aussi que pour cette soirée d'Halloween sous les étoiles, donc le samedi, le buffet terre et mer de l'Oriflamme est compris. C'est-à-dire que vous venez nous voir, voilà. C'est que chaque prestation, on vous nourrit en plus. On n'est pas, voilà, tu payes pas juste pour aller serrer une main. Tu payes pour passer un long moment en compagnie des invités, mais aussi pour te régaler, hein. Je veux dire, le buffet, que ce soit le brunch du dimanche ou le samedi soir, nous, on te nourrit. Donc $80 le samedi soir, somme toute, c'est très raisonnable pour rencontrer 8 célébrités qui sont quand même mondialement connues pour la plupart. Donc ça, c'est la version simple, OK? Tu rentres, tu prends tes photos au choix, hein, t'as différents tarifs comme dans toutes les conventions du monde. Mais c'est certain que si on lit un petit peu entre les lignes et puis qu'on a envie de faire un petit peu de lecture sur le site web, nous, on a pensé à essayer de vous faire sauver de l'argent. Ouais. C'est-à-dire que on a, par exemple, on a groupé par thématique. Donc on a le forfait Apollo, on a le forfait... C'est pour Galactica. Les fans de Battlestar Galactica. On a le forfait Lasson, Heroes of the Gate. Lasson et Heroes of the Gate partent très vite en ce moment. Ça, c'est super-héros et Stargate. Voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces forfaits? En général, on groupe les offres. Donc, pour les Battlestar, vous aurez vos deux autographes et vos deux photos avec les acteurs. Et vous avez vos deux jours d'entrée à la convention. Pour le Lasson, on monte l'offre un petit peu et pour pas beaucoup plus cher. C'est que vous avez dans nos forfaits, il y a toujours les deux jours, d'accord, puisqu'il va se passer des choses différentes à découvrir. En plus, maintenant, on a des invités en plus. Donc Sam Huntington, lui, ne sera pas là le dimanche. Mais Tori Ginson sera sur scène le dimanche. En revanche, donc vous aurez quand même un week-end deux jours très différents dans ce qui va se dérouler. Et le Lasson vous propose le brunch avec Brandon Routh, Tori Ginson et Michael Shanks. Il vous propose deux jours d'entrée à la convention ainsi qu'un autographe de Brandon Routh et une photo avec lui, OK? Et ça on peut parler de prix là, on peut annoncer. Oui, OK, donc $175 à toute taxe incluse. Ça peut paraître 175, on peut se dire waouh. Mais on a $50 et 55 en général, ça c'est nos tarifs les plus importants. On sait que dans d'autres événements similaires, des fois ça peut monter plus. Donc on est dans une moyenne, OK, pour quelqu'un de ce renom là. Vous avez votre journée. Alors si vous venez deux jours, c'est $50 de plus et déjà vous dépassez presque le prix sans avoir mangé. Ouais. Donc 175 tout inclus, vous garantit quand même, et quand on vous reparle de rencontres, c'est vraiment vrai, vous garantit quand même de passer du temps avec nos invités. Si vous avez été frustré la veille de pas avoir eu assez de temps au moment de votre signature, pas grave. Vous revenez le lendemain. Voilà. Et on voulait, on a mis aussi en place des systèmes, parce qu'on s'est rendu compte, là aussi, c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens, par exemple, disent, bon, j'achète un forfait, mais j'aimerais bien que ma conjointe ou je sais pas, mon neveu, ça s'est produit, je donne des exemples, puisse venir m'accompagner au moins une des soirées. Pas de problème. À partir du moment où tu achètes un forfait, tu as 30% de réduction additionnelle sur n'importe quel événement. C'est-à-dire que si tu achètes un... Bah, on va reparler du Lasson, ou même du Heroes of the Gate. Okay, le Heroes of the Gate comprend un autographe de Michael Shanks, comprend un autographe de la Reine des Wraith, deux jours d'entrée à la convention et la fameuse soirée Jet Set Stellar. Bon, si tu veux te faire accompagner Jet Set Stellar, tu dis waouh, il faut encore sortir une certaine somme. Bon, c'est la version complète, c'est-à-dire celle qui te permet vraiment de passer du temps, d'être assis avec les acteurs, de leur taper dans le dos. Elle est à 130, ouais. Et ben là, il y a 30% additionnel sur l'event. Tu peux venir pour 94$, du coup. Tu peux venir à cette soirée et profiter entièrement de tout ce qui va s'y passer. Donc, ton forfait donne un nombre illimité de réductions si tu veux acheter des events. Même pour toi, tu peux compléter. Tu dis Heroes of the Gate, comme ça s'est passé hier. Il y a une demoiselle qui est venue et qui a voulu acheter un brunch. Bon, ben, elle l'a eu à $60, son brunch. Oui. Direct, en la version complète. 30%. Parce que, voilà, 30% de réduction. On sait, on a quand même conscience que... dit comme ça, c'est certain que ça peut paraître, on dit, ouais, c'est une certaine somme. Maintenant, ce qui va se passer, ce qu'on constate, mais nous on le sait d'expérience, c'est qu'il y a des gens, on vend beaucoup les forfaits, les passes jours. Oui. Mais vu les exigences qu'ils ont, eux-mêmes, parce qu'ils commencent à me dire, oui, moi je veux un autographe de Joel Estate, moi je veux si. Oui. Ils vont vite arriver à excéder les valeurs. Oui, c'est ça, exactement. Vous êtes peut-être mieux de prendre un forfait qui comprend un peu tout. Là. Et regardez l'argent que vous dépensez sur les jeux de rôle, ou je sais pas, mettons dans le domaine geek, là, mettons dans la science-fiction, t'achètes des coffrets DVD qui vont coûter plus cher que ça pour une science-fiction. Ouais, pour vrai. T'achètes le coffret DVD de Galactica, n'importe quoi, ça coûte cher. Là, ça. C'est ça. Et puis, on a fait aussi une petite étude, effectivement. On se rend compte aujourd'hui ce que coûte le divertissement en général. Oui. Tu sais, tout coûte. Tu vas au cinéma, même ton restaurant, tes places pour aller voir une game. Quand tu fais un peu le point, nous on a étudié ça aussi autour. On s'est dit bon, parce que c'est un risque aussi qu'on prend, c'est que on veut vous donner le meilleur rapport qualité-prix. On n'est pas là pour. On a parfaitement conscience aussi qu'il faut changer les choses un petit peu là-dessus. C'est que on pourra pas aujourd'hui ce phénomène-là se démocratise mondialement. Être geek, c'est plus une maladie. Non. Chance. c'est loin d'être le cas. Et aujourd'hui, tout ça fait partie de notre quotidien. Et moi, je suis convaincu, surtout quand tu vas au cinéma et que tu vois comme les salles sont pleines, quand tu vas voir des Captain America, des Avengers, etc. Quand tu vois ces résultats-là, c'est les gros. C'est que ça marche. Mm-hmm. C'est que tu te dis, et puis quand tu vois des 80 000 personnes au Toronto Fan Expo, des 114 000 à New York, et bon, c'est peut-être des grandes villes, mais ces gens-là, ils vont drainer du monde de partout. Mais tu oui, vois, exact. C'est plus donc. Nous, on se dit Trois-Rivières, ok, Paris un peu fou pour certains, parce qu'on nous l'a dit, on dit, mais qu'est-ce que vous faites avec Trois-Rivières? Donc on sait. Pourquoi ne pas devenir quelque chose de. Je veux dire, tu regardes, il y a beaucoup de festivals, beaucoup de manifestations qui ont pris de l'ampleur au fil des ans, parce qu'à un moment donné, les organisateurs ont dit, on serre les dents, on va s'accrocher, on va faire en sorte que ça prenne du mouvement, tout ça. Et nous, on est convaincus qu'on peut offrir quelque chose d'unique au monde à Trois-Rivières. Ça, dit comme ça, ça peut paraître, pour ceux qui seraient de Montréal, oui, bon, bah oui, tu sais, c'est un peu comme. Sont tellement meilleurs. Vous l'avez compris, je suis français. Et c'est un peu comme les Parisiens vis-à-vis des villes de province. Moi, je suis du sud de la France au départ. Et puis Paris, c'est le centre de l'Europe. Tu sais, t'as l'impression que le reste, c'est ta méga City One. Et puis le reste, c'est du désert irradié. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc au-delà des grandes villes, il n'y a pas des déserts irradiés, même au Québec. Je veux dire, il y a des gens qui vivent, qui ont envie de se distraire, qui ont envie de se divertir aussi. Et nous, on est convaincus qu'on peut leur apporter quelque chose d'assez unique en ça, quoi. Et les fans de science-fiction sont prêts à venir ici, j'en suis certain. Oui, et c'est de permettre aussi à Trois-Rivières de tourner son regard du passé vers le futur. Oui. Je veux dire, il est temps que ça se fasse aussi, ça. Il n'y a pas juste le Festival Western dans le coin, ça. Il y a d'autres gens qui cherchent d'autres choses. Non, mais quand les gens nous demandent pourquoi faire ça à Trois-Rivières, ben on dit on est juste à 45 minutes de Saint-Tite. Et voilà. Hey, quelle bonne idée. Donc, les gens peuvent se procurer leurs billets chez Zone 51. Voilà, Zone 51 vous donnera les billets, les billets physiques, on les a là-bas sur place. Et bien évidemment, bon, nous, on ne saurait trop vous conseiller parce qu'on va, parler de nombre de places, là, d'accord? OK. Il y a 325 places maximum disponible. Possible par jour pour les conférences. Okay. Ce qu'on va faire, c'est que, ça on peut le dire aussi, parce qu'on est conscient aussi du problème que ça peut causer, c'est certain que, au-delà de ça, si vous voulez venir et puis qu'on dit non, il n'y a plus de place, qu'est-ce que vous faites? Mm-hmm. Alors, soit vous allez chercher un membre de l'organisation pour lui passer un savon, ça servira pas à grand chose sur le coup. Soit vous nous faites une mauvaise presse, ce sera dommage. Oh. Alors ce qu'on a décidé de faire, c'est que si vous avez vraiment envie de voir les kiosques et d'avoir la possibilité de vous procurer un autographe ou une photo, et ben l'entrée à l'hippodrome sera gratuite. C'est-à-dire que vous regardez sur internet, on va bientôt mettre les cédules en place. Si vous dites eh ben moi je veux quand même, je viens de toute façon pour un autographe de Brandon Routh. Bon. Et bah, tu regardes, tu viens, tu vois à quelle heure il est là. Ou alors tu viens à l'hippodrome et puis on te renseigne. On va dire, bah voilà, ouais. Brandon est cédulé à telle heure. Et là, sur le prix de ton autographe, tu rentres. Tu peux te le faire signer. Okay. Bon. Ok, tu payes à la porte le prix de l'autographe. Tu payes juste. Tu rentres. Voilà, si tu auras ta prestation, nous on te charge pas plus. Pour n'importe quel acteur, tu rentres, tu prends ton billet d'autographe, ta signature, ta photo, ce que tu veux. Et puis après, tu peux rester un temps illimité aussi sur les lieux. Si on aura quand même quelques kiosques qui sont là. Donc si tu as envie de déambuler un petit peu, de regarder ce qui s'y passe. Il y a sûrement des choses à acheter dans ces kiosques-là aussi. Voilà, il y aura des petites choses. Nous, on voulait aussi vous expliquer que pour ceux qui pensent que c'est pas un trade show, ok, on est là, on veut vous offrir du contenu. Ouais. Donc les kiosques, peut-être que tu peux en parler un peu, Sébastien, c'est intéressant. Oui, pour l'instant... on peut dire qu'il y aura, bien sûr, là, vu l'événement, bon, il y a des choses qui sont obligées. Donc, la boîte à BD, ouais, qui va être là. Il y a la bande dessinerie qui va être là aussi. Il y aura, bien sûr, un kiosque de Zone 51, ouais, ouais, dont Didier ici est propriétaire. Et vous avez certainement vu sur des forges, là, il y a une grosse tête d'alien sur la façade du magasin. Il y aura aussi les gens de Production Babel qui viennent nous présenter, bon, leur production, entre autres Temps mort. Est-ce que j'en oublie? Cool. Ah, il y aura le 501 hein, aussi. Ah oui, alors là oui, le 501e, pour ceux qui savent pas ce que c'est, et pour ceux qui savent ce que c'est, ils vont dire ouais, génial, ils sont une douzaine à venir, c'est tous ces gens qui sont validés par Lucasfilm qui s'habillent en personnages de Star Wars. Parce que ça nous ramène, à quelque chose de très important qu'on a négligé de vous dire. On travaille pour une œuvre qui nous tient à cœur vraiment, vraiment, hein, je vous le dis. Les acteurs, on leur en a parlé et ils veulent participer aussi à cette action-là. La Maison Grandiose, c'est un centre de loisirs pour personnes handicapées. Un centre de loisirs adapté, hein, pour personnes handicapées, voilà. Oui, au Cap-la-Madeleine. Donc nous, on veut vraiment les aider. Moi, personnellement, ça je parle pour moi, je veux dire, j'y suis allé, j'ai vu ce qui s'y passait, tout ce dévouement, ça m'a touché, ok. Ce qui se passe là-bas, en deux mots, ça m'a touché. Et je veux vraiment que Réunion Stellaire s'associe à eux pour un projet qui s'appelle la Chambre Stellaire, c'est ça? Ouais, la Chambre Stellaire, en fait, c'est, là, j'espère le prononcer comme il faut, c'est une chambre de type Snowzellen. J'espère pas me tromper. Donc, c'est une chambre multisensorielle. Donc, c'est vraiment pour stimulation, soit pour augmenter ou diminuer les tensions ou les attentions. Donc, l'objectif pour réaliser, là, moi, je suis en communication directe avec la coordonnatrice. Et donc, l'objectif, nous, qu'on s'est mis pour pouvoir aménager cet espace-là, c'est un objectif de 5 000 $. Donc, tout au long de la fin de semaine, il y aura des jeux au Salon des Jeux, il y aura une vente aux enchères, des items signés, etc., pour faire la levée de fonds. Voilà, pour, on met en place tout un... Il y aura du poker aussi. On met en place, au lieu de par exemple, le poker, là, on travaille là-dessus. Au lieu de gagner de l'argent, vous allez gagner des items signés. Ça va être assez marrant. C'est que les gagnants vont... les gros lots, ça va être, admettons, une bannière signée par tous les acteurs. Donc, les acteurs vont donner aussi des photos. Et puis, on va avoir aussi une petite machine qui s'appelle la surprise partie où tous les billets seront gagnants. Donc, il y a des commanditaires qui nous ont donné des choses aussi. Et puis, vous aurez des autographes vous aurez des bons pour aller vous faire photographier avec les acteurs, vous aurez autant de cadeaux aussi que nos commanditaires nous ont amené. Puis il y a deux petites choses aussi également dont on voulait vous parler. Le programme, contrairement à beaucoup d'autres endroits, on va vous le vendre. Et oui, on va vous le vendre. Dommage, mais non, pas dommage, parce que c'est Zidara 9, qui est un magazine québécois qui regroupe des jeunes auteurs de bandes dessinées de science-fiction et de nouvelles, de sci-fi, qui commandite le programme. Et pourquoi il le commandite ? Parce que on veut le vendre au profit de la Maison Grandiose. Ah, c'est-à-dire qu'on va vous le vendre pourquoi ? Pour 3 pièces, vous aurez une magnifique illustration, en plus un poster que vous pourrez faire signer. Hein, ça aussi c'est un petit souvenir. Vous aurez de la BD dedans. Donc il y a aussi Zidara qui est le plus gros commanditaire du programme. Et puis il y a aussi la boîte à BD qui lui aussi est moins science-fiction, plus comique, plus super-héros. Donc c'est à l'aval, ça. Ils ont un peu la même démarche que Zidara. Donc on va vous offrir un petit programme qui va reprendre les horaires, le contenu de Réunion Stellaire, mais en plus du contenu du artistique, hein, de la création québécoise artistique, qui va vous être offerte à l'intérieur de ce petit programme. Donc voilà, il y en a un certain nombre. On va essayer de tous vous les vendre, et puis pour tout ça, réussir à réunir suffisamment de fonds pour mettre en place cette chambre stellaire pour la Maison Grandiose. Voilà. Voilà. Et aussi pour finir, pas avec ce programme-là, mais pour le reste de l'argent, pour la future édition numéro 5 de la Réunion Stellaire l'année prochaine, espérons-le. Oui, l'édition numéro 5, elle aura lieu. On l'espère, ça c'est certain. On est très humble, si vous voulez, dans nos objectifs cette fois-ci. On veut continuer à offrir. On a 3 événements de prévus déjà de cédulés pour l'année prochaine, dont 2 en région ici, un à Trois-Rivières à la même date, et puis un autre dont on vous parlera. Si ça continue, l'examen de passage pour nous c'est la fin de semaine prochaine, ouais. Et ensuite il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que si on passe ça, si les gens sont au rendez-vous. On va vous offrir des choses dans le coin et même aux grandes villes que personne. Les gens des grandes villes vont nous envier sur ce qui va se passer ici et viendront nous voir. Nous, on a déjà des retours du monde entier sur notre page Facebook, elle marche pas mal. On a même j'ai un Indien d'Inde, hein, d'accord, à qui on a expliqué l'itinéraire d'avion pour pouvoir venir. Wow, il veut rencontrer Brandon Routh. On a des retours. Notre trailer est diffusé en France aussi pas mal. Puisqu'on a forcément, comme Réunion Stellaire a vu le jour là-bas, on a beaucoup de gens qui auraient voulu venir et puis qui vont se donner les moyens de propager la bonne nouvelle aussi, que Réunion Stellaire avec son concept unique existe toujours, sauf que il s'est délocalisé aujourd'hui, il est venu à Trois-Rivières, ce concept-là, pour vous. C'est merveilleux. Génial. Je dirais même que c'est fantastique, si je peux faire un jeu de mots sur le fantastique science-fiction, non? Vas-y. Donc, réunionstellaire.com, c'est le site web. On peut aussi vous retrouver sur Facebook, facebook.com/réunionstellaire, et sur plein d'autres endroits comme ça. Donc, aussi chez Zone 51, évidemment, pour les billets. Allez vous renseigner, et puis nous, on vous souhaite un excellent succès à cet événement Réunion Stellaire qui a lieu du 26 au 28 octobre prochain ici même à Trois-Rivières. C'est au Salon de Jeux de Trois-Rivières. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. On se quitte avec la chanson Everybody Have a Good Time parce que les gens vont avoir du plaisir à Réunion Stellaire. Le lien est douteux encore. Tell me how- The Darkness et Everybody Have a Good Time. C'est Assemblage Rocky que ça se passe. On termine la première heure ici. On se retrouve dans quelques minutes en fiche de première heure. Tout d'abord, on va avoir François Landry et sa chronique Logocratie 101. Le titre de sa chronique aujourd'hui, c'est « Ce n'est qu'un au revoir ». Et on ne sait pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas, François? On ne sait pas encore. On va aussi parler si je suis capable physiquement de me retenir et parler, essayer de pas trop être vulgaire dans C'est un fait kinky sexy tabliche juste après. Pour l'instant, on prend une petite pause et on écoute l'Info Campus. Restez là. C'est fou depuis un bout. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 18 octobre 2012. Il est 8h21. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. François Landry qui est aussi en studio si jamais il veut participer à la Oui, exact. On pourrait l'inviter. Hein. Ça pourrait être plaisir si voir ses commentaires. Oui. Allez. Je suis là. Hey. Je suis là. Donc, là, je me rends. Tu t'es rendu. Des fois, il faut s'étirer un petit peu. Non, là, je pourrais amener ça vers un jeu de mots sur... Qu'est-ce que c'était? L'entre-gens. L'entre-gens. Voici, c'est un fait kinky sexy time edition. François, il me dit, François-Olivier Marchand, oui. Il me dit, fais ça vite, fais ça. C'est bien la première fois que j'entends ça. Un petit cookie, des fois. Donc, connaissez-vous la technique du splashing? Le splashing, en fait, non. Une technique, le splashing. Non, on dirait que le nom me fait peur. Hein. C'est le désir sexuel de faire tout avec la nourriture, sauf la manger. Manger la nourriture. Donc, Splash, entre autres, est un magazine britannique qui est dévoué à ce fétiche-là de la nourriture, faire des choses avec la nourriture. C'est comme dans le film 9 mois et demi où ce que Mickey Rourke et il se barbouille de bouffe dans le frigidaire. Crème fouettée, ouais. Sirop de chocolat. Dans Louis XIX, il avait fait une parodie de ça aussi. Miam, hein? Je vois une tranche de steak, non. Non, ça me tease pas tant que ça. Connaissez-vous la voraréphilie? Voraréphilie, qu'est-ce que c'est? Voraréphilie. Je sais pas. Ils sont voraces. Ouais. Oui. Si on veut. C'est le désir sexuel de vouloir manger un autre être humain. Donc, vorace. Ouais, okay. Si on veut. Formicophilie. Ben, tu fournis tout le temps. C'est l'intérêt sexuel de se faire ramper dessus, là, se faire marcher dessus par des insectes, des petits insectes, et se faire mordre par ces insectes-là. Formicophilie. Pas pire. Hein? OK. Je suis loin de ça. Ouais. On connaît tous les fétiches de pieds. Hein? Les fétiches de pieds. Non? On en connaît tous un. Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Donc, les parties de fétiches de pieds, il y en a partout dans le monde et les gens vont se promener en dessous de top modèles. Okay, les top modèles vont avoir souvent être sur des plateformes avec leurs pieds nus et les gens vont se promener en dessous de ces plateformes-là. Donc, ils voient le dessous des pieds de top modèles. Ça s'appelle des foot fetish parties. C'est bien. Sur la Wii, il y a un jeu pour adultes en Europe qui s'appelle We Dare. C'est un genre de jeu kinky. Où on fesse des gens, c'est ouichi, puis des affaires comme ça. Ça c'est jamais sorti aux États-Unis, mais c'est un jeu de genre kinky sex qui s'appelle We Dare en Europe. Si vous voulez l'importer, c'est pour ça que je vous dis ça. La KY Jelly, c'est la gelée KY, on appelle ça du KY communément. Ça a été inventé en 1927, mais c'était utilisé strictement pour les examens pelviens. Examens pelviens jusqu'aux années 1980, où ensuite c'est devenu plus commun dans le plus commercial. Domaine. Plus commercial. Ah, ouais. Moi, depuis que c'est commercial, moi, je connaissais le KY avant tout le monde, tu sais, les hipsters. D'ailleurs, de l'huile d'olive, l'huile d'olive était utilisée comme lubrifiant par les Romains dans le temps. De l'huile d'olive. Ouais, exactement. Exactement. Évidemment, moi, j'avais ça. Non, mais ça s'utilise encore parce que, vous allez m'attribuer des rumeurs, là, mais n'en pas en peur. Mais dans les salons de massage, en fait, ils utilisent ça parce que ça sent rien. Et puis. Ça sent rien? Ouais, ça sent rien. Ça coûte cher, par contre. Ça dépend. Avant l'électricité, les vibrateurs étaient crinqués à la main. Ils sont encore craqués à la main, certains diront. Là, mais... Un dynamo, là. Un dynamo, ça. Eh hey boy. Fallait faire du vélo stationnaire sur le côté. Ah ouais, mon oncle pédale, je vais avoir du fun. Fallait marcher à pied dans la neige pour pouvoir se vibrer massif. Le sexe vigoureux pendant une demi-heure, ça brûle 150 calories. Ah, ça, je sais. 150. Ça, François Larue, je confirme. T'as un compteur à plein d'appoint. Oh, ouais, deux pantalons. Un pédomètre. un pédomètre, mais attends un peu, va pas là. Non, je touche pas à ça. La masturbation est une des plus grandes causes, dans le fond, qui fait que le pénis peut généralement, chez les personnes qui se masturbent beaucoup, peut être plus foncé en couleur que son corps de la personne. Ah. Si tu fais ça trop, là. Quand on touche pas... Du rose bébé. C'est blanc pâle, c'est ça. Okay. C'est pas bronzé de l'entrechamp. Si on touche des poignées de porte, des comptoirs, okay, et d'autres objets quotidiennement, ta main va entrer en contact avec en moyenne 15 pénis par jour. Y a-tu vraiment quelqu'un qui a compté ça? Apparemment. Poignées de porte, comptoirs et autres objets. Les prostituées en Espagne doivent porter des vestes qui reflètent la lumière. Un peu comme les gens qui travaillent en construction le soir pour réduire les accidents de trafic. Les accidents sérieux? De ouais. C'est où ça? En Espagne. Le genre de brigadier du sexe? C'est ça. Un petit stop? C'est ça. Ils tiennent la pancarte. La pancarte. Again, stop, again. Stop, again, it's summertime. Stop, again, it's summertime, ouais. Le tyrannosaure russe, est-ce qu'on dit russe? Tyrannosaure Rex, en tout cas. Son pénis faisait 12 pouces, 12 pieds de long. 12 pieds. 12 pieds. Je traduis mal à ma main. 12 pouces, c'était normal. Là, mais... ouais. Pour s'assermenter dans la Rome antique, les hommes mettaient leurs mains droites sur leurs testicules. L'assermentation, c'était ça. OK. Ouais. Regarder une surface bleue pendant les relations sexuelles, ça augmente l'intensité de l'orgasme, selon une étude. Ah, non. Regardez du bleu. Mon mur est orange. Ah, c'est, de, ben, c'est une couleur. C'est leur peinture en fin de semaine? Je vais mettre un spot bleu. Si tu donnes des pichenottes sur tes tétines. Hein? Ben oui. Je sais pas si on parle d'un gars. Mettons qu'on parle d'une femme, là, ça prend 8 secondes avant qu'ils deviennent durs. 8 secondes. Des choses bonnes à savoir, je veux dire. Je reviens là-dessus la semaine prochaine. Ah, viens ici, François. On va le faire là. Live, test en ondes. Tester sur des humains, c'est pas trop carré. Ça fait mal. Ils ont pas fait ça à TVA. Fumer peut lentement rapetisser le pénis d'un homme sur une longue période de temps. Super. À chaque fois que t'éternues, t'as un dixième d'orgasme. Oh! Les énergies à l'automne, là. C'est pas au printemps, là. C'est fatigué. Pas sûr que le gars ait du fun, moi. Environ, ou non, presque 90% des hommes font erreur et prennent le comportement amical d'une femme comme du flirt, oui. D'attirance sexuelle. 90%. Tu sais, quand la femme dit « Ah, je t'aime beaucoup », mais comme amie. C'est ça. Là, on répond. Vraiment. Oui, exact. Va-t'en. Va-t'en. J'en veux pas ton amitié. 40% des personnes, des gens, marient leur premier amour. 40%. 40%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Une étude a découverte que les hommes qui sont plus grands ont tendance à avoir plus de relations que les hommes plus petits. OK. Ah. Ils ont plus de choix? Peut-être. Je sais pas. Je pense plus que c'est le standard des filles qui veulent pas sortir avec un gars plus petit qu'eux autres. Ça, je trouve ça complètement super. Moi, c'est n'importe quoi la grandeur. T'sais, c'est comme si je disais je veux pas sortir avec toi parce que t'es plus grosse que moi. C'est discrimination. Ça. Ben, ça n'a aucun rapport. Là. Exact. Je veux pas sortir. Tu veux pas sortir avec moi parce que t'es gay. Voyons, c'est quoi cette affaire? Discrimination. Okay. Les hommes qui ont de la difficulté à contrôler leur rire. Là, qui ont le fou rire facile. Comme François Landry. Pendant, c'est un fait kinky. Ouais. Voilà. Ont aussi de la difficulté à contrôler leur pulsion sexuelle. Ah, et leur, quand ils viennent. Je déconfirme ça. Tu déconfirmes? Je déconfirme. Je te déconfirmerai lorsque petit pot de beurre. Ah, ça voulait dire que t'étais... Petit pot de beurre, des enfants. Ça voulait dire que t'étais une machine, hein, une vraie bête. Ben écoute, regarde-moi la face. Un homme n'a pas besoin d'être sexuellement excité pour avoir une érection. Les érections peuvent aussi arriver lorsqu'on a peur, qu'on est nerveux, qu'on a la vessie pleine la vessie. Ben, gay le matin, quand on se lève. C'est souvent morning word. On attend 2-3 secondes avant. Hein. Le bois. Mais c'est pas parce que tu rêvais, hein? Non, je pensais que c'était ça. Des fois, peut-être. Faut pas le dire à l'écoute. Après avoir eu une conversation avec une femme sexuellement attirante pour toi, les hommes ils sont moins performants côté mental. Après avoir rencontré une femme attirante, on devient gaga un peu. Ça, oui, on est niaiseux, les gars, pour ça. On voit une belle femme, on perd nos moyens. C'est sûr. Au-dessus de 60% des relations se terminent parce qu'une des deux personnes commence à juste trouver l'autre personne plate, dont sexuellement. OK, le buzz est passé. Je m'emmerde. C'est rendu boring. Il n'y a plus de passion. C'est extrêmement rare, mais certaines femmes, on a déjà parlé de ça, c'est fou, mais certaines femmes ont deux vagins. Ouf. Ouais, c'est vrai, on l'a déjà dit. C'est très rare, mais c'est vrai. 25% des gens qui ont des relations sexuelles en ce moment même, OK? Écoute, hey, go, lâche pas, mon homme. Lâche pas. Ah ouais, on t'encourage. Oh, on est oui. Ça sent la vie. Oh, c'est fini. Trop tard. C'est fini. Oh, il va aller en pub maintenant. Donc, 25% des gens qui ont des relations en ce moment trompent quelqu'un en même temps. Ils sont en train de tromper quelqu'un. Attends une minute. Ceux qui sont en train de baiser là sont en train de tromper. OK, ouais. Oh, 25%. Okay. Là, il y a 25% d'infidèles. Le là, corps, là. Le corps des gens qui font l'amour en ce moment, c'est des gens infidèles. Ouais. Donc, on lâche pas, mon grand. Lâche pas, t'es capable. Ouais, puis après ça, ben. Ou lâche donc. On dira pas que tu t'appelles Serge puis que tu sors avec Catherine. On dira pas. Ouais. il nous en reste quelques-uns. On se dépêche. La masturbation peut réduire les risques de cancer de la prostate et les infections cervicales. Eh bien. Les infections cervicales. Ça baisse la pression. Ouais, c'est ça. Ça a plein de bénéfices. C'est bénéfique. Ben, ils disent que ça soulage le corps. Justement, ça fait sortir le méchant, là, mais ça. Exact. Ça libère l'esprit. Ça détend, oui. Tu détends. T'as goût de dormir, tu sais. Oh, écoute, ben, après une baisse. Je sais pas, non? Mais c'est ça qu'on appelle donc le CrossFit. On a parlé hier, c'est ça, non? Non, c'est pas ça du tout. L'entraînement par masturbation, c'est pas ça le CrossFit, non? J'étais sûr. C'est ce que j'avais retiré de la collègue d'hier. Une grosse pile de pornographie a été trouvée dans la cachette de Osama Bin Laden. Ça, je pense qu'on l'avait déjà dit aussi. Oui, non? Les gens qui passent trop de temps sur Facebook se masturbent plus que la personne moyenne, donc. Si vous êtes sur Facebook plus souvent, plus de chances de voir des photos qui vous intéressent. J'ai des noms en tête, mais je veux pas voir ce qu'ils font. Non. En cas d'urgence, penser au sexe va temporairement vous enlever l'envie de faire pipi. Temporairement. Elle peut revenir en force. Hein. plusieurs hôtels demandent... lorsqu'on demande un oreiller additionnel, un extra pillow, c'est un code qui veut dire qu'ils veulent une prostituée. Ils vont demander, j'ai besoin d'une oreiller de plus. C'est sérieux? C'est un code. Je vais me surveiller la prochaine fois. J'aime ça d'en avoir des oreillers. C'est ça. Mais là, t'as un peu le des oreillers dans le sens d'un vrai oreiller, okay, là, en matériau. Couché sur une bedaine. Ouais, c'est ça. Pas sûr. Mmh. Il m'en reste beaucoup trop. Je vais arrêter après celle-là. Les femmes noires ont 50% plus de chances de se rendre à l'orgasme qu'une femme blanche, selon une étude. Eh bien. OK, j'aimerais voir la méthodologie. Et non, je vais finir avec celle-là, finalement. C'est celle-là qu'il faut que je finisse avec. Merci. En romantique, encore une fois, en romantique, les Romains, OK, pilaient, ou en tout cas, je ne sais pas si c'était avec un outil ou avec leurs pieds, pilaient sur les testicules des violeurs. OK? Non, en fait, ça le dit plus tard. Ça le dit entre deux pierres comme punition, les violeurs. Contre deux pierres. Je sais qu'il mérite, là, mais j'ai mal. Tu y repenses. Tu repenses plus. T'étais mort, là. Non. Ouais. Juste des fois une pichenote. Non, même pas. Tu coins, tu sais qu'il te donne des pichenotes là-dessus? Moi, des fois, quand. Oui, souffrance, François, souffrance. T'as pas été correct, François. T'as pas été correct. Tac, tac, tac. Ouais. Donc, c'est un fait Kinky Sexy Time Edition et j'ai assez de matériel pour faire au moins deux chroniques la semaine prochaine. Fait que peut-être qu'on se gâte. Okay. On va se gâter, ça. C'est celle que les gens aiment. Quand je fais des jeux vidéo, là, c'est un fait, ça intéresse personne. François, il était même. Mais écoute, même bouille, là. Ah, moi, j'aime ça, moi, sauf que je connais rien. Ouais. Tu parles de jeux de. À part la Xbox 360, là. Non. T'as-tu un Xbox 360? Ben, qu'est-ce? Ah ouais? Ben, on n'est pas amis là-dessus? Mais je suis pas sur Internet. Non, pourtant, ça a l'air de retourner aux jeux vidéo, là, soudainement. Non, mais... On parlait de sexe, puis soudainement, jeux vidéo. T'sais. Ben voilà, on pense, on change de sujet pour se détendre. Bon, moi, je dis qu'on va on va se détendre avec du Damien Robitaille et sa nouvelle pièce Omniprésent qui est sur le palmarès francophone à partir d'aujourd'hui et juste après. Je sais que François voulait du mal à jeu. Non, c'est pas grave. Non, mais tu me l'as demandé 6 fois, puis je ne l'ai pas fait. Après ma chronique. Non, après, on va se garder un 6 minutes. Là, on va terminer avec ça. Ouais, génial. C'est bon, ça. Donc, Damien Robitaille, on revient avec François Landry et sa chronique Logocratie 101. Reste... Émission remplie aujourd'hui, quand même. Normal d'oublier tout. Hein? Ouais. Le sexe, d'oublier tout. Mais ça doit pas être ça. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Je suis partout, mais je ne suis pas là. Éparpillé, fondu dans tous les décors, va et vient dans tous. je suis pas la la la. Même si je suis dans les parages, j'ai toujours la tête dans les nuages. J'ai l'attention tellement fragile, comme la glace sur le lac au mois d'avril. Parlez-moi à vos risques et périls. Bien entendu, bien entendu, je suis assez assidu. Alexandra Carignan nous rendra visite pour parler d'art, le temps d'une culture, et on apprendra une série d'autres choses bien agréables. Agréables comme dans du sexe, comme qui s'excite encore. J'arrêterai plus de me faire ça tous les jours. C'est un fait. Ça va être lundi, entre 7h et 9h, à Assemblage Requis. Soyez-y! Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage Requis. En pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. 8h39 minutes. L'émission d'aujourd'hui est tellement remplie qu'on n'arrête pas de dépasser, de déborder, de faire plein d'affaires de même. Encore une autre référence sexuelle si on veut, mais par la bande. Par la bande qui est une autre référence sexuelle. Par la banque. On passe par la banque ce matin. Bon. Donc, maintenant, c'est le moment de parler avec François Landry. Voici sa chronique Logocratie 101. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Bon matin, François Landry. Bon matin, Monsieur Plante. Comment ça va? Ça va bien. Bon, vous êtes là. Ben oui. Les travaux. Le pavillon. C'est pas si pire. Mais on pensait pas qu'il allait en avoir sur le toit de la construction. Mais j'ai vu ça hier, j'ai vu ça. Ouais, ouais. Je vous plains, à chaque jour, je vous plains. Moi, c'est le gros grindeur derrière mon bureau. Ouais. Mais vous autres, c'est les bottes sur le toit. Avec les bottes, c'est partout, puis, ouais. Ils échappent toutes, on dirait. Oh, non, ça, c'est ils font pas tellement attention, mais en même temps, ils savent pas, eux autres, qu'on aime pas ouais, ça. Ils font leur job. C'est ça, ils font leur job. Donc, ben, au revoir. François, bon, tu t'en vas déjà, ouvre la porte. Ouais, ce n'est que... Ça n'est qu'un heure sonore, ça marche pas. La porte, ça a l'air vrai. Ça marche pas. Seems legit. Donc, ce n'est qu'un au revoir, c'est le titre de ta chronique. Ce n'est qu'un au revoir, oui. Mais je pourrais dire, ce n'est que trois au revoir. Parce que c'est arrivé en même temps cette semaine, trois grands de ce monde nous ont quittés. Ah non, des morts, là? Non, ben non. Non, ben non. Ce n'est qu'un au revoir, tu sais, on dit toujours ça. Ce n'est qu'un au revoir, mais nous nous reverrons, mon frère. Oui, oui, oui. C'est toujours, ils partent quand ça va mal, mais ils vont revenir. Tu sais, c'est des crapules. Là. Ils vont. C'est des crapules. Des crapules. Ils les aiment beaucoup, c'est ça? T'as l'air de les aimer fort. Ben, je vais vous dire leur nom, puis vous allez dire, moi aussi, je les aime. Je comprends. On parle de Dalton McKenty. Yep. Et hop, ça passe pas un des frères. Yep. Sylvain Lucier. Yep. De l'autre bord. Ah, ben parle? Le premier, là, là, vous savez. Là. Zabito. Là. Non. Tony Accurso. Ah, oui, oui, oui. Ah, ben souvent, oui. On connaît le plus mafieux de la gang. Il en a parlé souvent, lui. Ben, c'est mon ami. Ben oui, ton buddy. Ben oui, il est sur son yacht, là, qui est... Je veux aller faire un tour. Tout le monde a passé sur son yacht. Le Touch 2, là. Le Touch. Il s'appelle le Touch. Le Touch. C'est super. Ben oui, ben il aime ça se toucher. Il aime ça pour le monde. D'ailleurs, il a été construit ici à Trois-Rivières. Hein? Oui, monsieur. Hein? Oui, monsieur, dans les, à Champlain, là, il y a un... Oui, oui, une marina. Un... Là. Exactement. Quelque chose de marina Orsini. Mais c'est pas... Ben, en tout cas, c'est bien cute. Drôle. Oui, Tony Accurso qui a démissionné. Ben oui. Le chef, pas le chef, mais celui qu'on a toujours le plus tagué comme étant le corrupteur en chef au Québec, a remis sa démission cette semaine, alors qu'il était à la tête du plus gros empire de la construction au Québec. Ben, il a pas vraiment... Il a vraiment remis sa démission ou il veut vendre? Il vendra pas. Il remet sa démission. Ah. Il avait pas le choix. C'est un fardeau qui pèse sur ses épaules et ça risquait de semer la chute de son empire. Ben, en même temps... Audrey Simard Construction, qui est un très, très gros employeur. Tony Accurso a déjà été accusé au criminel dans une affaire de corruption politique à Mascouche. On en a entendu parler un peu avec la mairie, des contrats... collusion contrat, donc a été reconnu coupable là-dessus. Et il avait été arrêté et accusé de nouveau l'été dernier pour fraude fiscale. Donc, à un moment donné, le gars dit 1 plus 1 égale 2. Hein? Si je fraude puis que je me fais arrêter, la prochaine étape, c'est la prison. Et si je m'en vais en prison, mon entreprise, mon empire, pourrait ne pas me survivre. Bon. Ben, en même temps, écoute, elle a été assez éclaboussée que ben, ça me surprend fini. Aussi. Ben, ça ne fait que commencer. Non, c'est sûr, mais ça me surprend aussi que... Je sais pas, je serais pas tenté à acheter ça, moi, personnellement, ou à reprendre ça. Non, ben lui, et à m'associer c'est avec le boss, ça. Mais il y a un conseil d'administration, c'est pas lui le big boss, là. Lui, c'est le président directeur général. Bon, c'est... Mais c'est tellement gros que c'est pas lui qui gère ça avec son cellulaire le matin et qui fait son horaire. Non, non. Alors, c'est un empire de plusieurs milliers d'employés. Ça vaut quoi, un milliard qu'il disait, qu'il estimait à peu près? Ça vaut ce que j'aimerais avoir dans ma vie. Oh. Ça coûte cher. Lui, il est au cœur du système de collusion qu'on commence à peine à garfouiller un peu avec qu'est-ce qui se passe à la commission Charbonneau. Et il est à temps qu'il quitte la scène, mais on dirait pourquoi attendre si tard que ça? C'est que, oui, au début, moi aussi, je me suis dit, il devrait démissionner le plus tôt possible, s'en aller dans les Caraïbes, puis, tu sais, il est souffert. Ben, écoute, je pense que financièrement, il n'est pas à plaindre, puis non, on n'a pas à s'inquiéter. Il y a un bateau aussi, là. Il pourrait facilement se rendre aux Caraïbes, mais quitter un empire. T'sais, c'est comme si on disait à Pierre-Carl Pelladeau, fais tes boîtes, va-t'en. On s'entend que l'Empire québécois, c'est tellement gros à gérer, tellement de paperasse, tellement une grosse bureaucratie interne que juste démissionner peut prendre 6 mois. C'est juste pour signer tous les papiers, les retraits, les charges. Ouais, transférer un peu. Exact. Donc, Tony Accurso, d'après moi, il préparait son départ depuis longtemps, mais ça s'est concrétisé cette semaine. Et donc, on disait, il était mieux de partir parce que, imaginons si l'Empire Baudry-Simard se retire de tous les chantiers de construction au Québec. Ça sera des milliards de dollars d'argent investi pour rien. Des milliers de jobs perdus, ça va être perdu, mais ça va être repris par d'autres entreprises. Non, il n'y a pas d'autres grosses compagnies qui peuvent avoir autant d'employés et surtout, à la va-vite de même, dire ça me prend 3000 constructeurs demain matin. Là. Aucune entreprise au Québec. Ouais, mais les 3000 vont. T'sais... C'est de prendre une place et de l'envoyer faudrait à l'autre. Faudrait recruter 3000 employés là. As-tu tes cartes? Non, pas grave, je t'engage pareil. Va-t'en sur le chantier, puis non. Baudry-Simard, c'était une grosse firme, très réputée. C'est juste plate qu'il y a eu des crapauds, appelons-les crapauds, dans cette entreprise-là, parce que c'est beaucoup d'honnêtes travailleurs, beaucoup d'honnêtes cadres, mais il suffit que le big boss, Tony Accurso, soit reconnu coupable un moment ou un autre. Donc, à cause de lui, l'entreprise pourrait fermer ses portes, mais comme il veut pas que l'empire familial tombe, puisque c'est son papa qui a créé ça à l'époque, okay. Il veut pas que l'empire tombe, c'est pour l'honneur de la famille. Puis il veut pas non plus que ses enfants soient associés à ça. Hein? Ben, puisque le nom serait relié. Oh, maintenant, le nom Accurso est entaché. Tu parles le nom Accurso aujourd'hui ou un nom à connotation italienne, tu te fais regarder drôlement. C'est bien plate pour ceux qui sont corrects, là, mais dès que t'as un nom italien ou quelqu'un qui porte le nom d'Accurso... C'est comme un sort que t'as, ou en anglais, a curse. A curse. Oui, j'aime ça. Et puis, depuis une semaine, on n'arrête pas avec l'UPAC, l'Union... L'UPAC Shakur? Non. Tupac, ça, je pense. Tupac. C'est pas un chanteur, ça? Ouais, Tupac et Shakur. Ouais, en tout cas, cette musique-là. cette musique-là, là, de... que j'écoute pas, de fou, là. Non, c'est ça. Si ça joue pas le matin, c'est fou, j'écoute pas ça. Ah, t'es fin. Ah. On va en faire jouer la semaine prochaine, juste pour toi. Arrête. À Laval, tous les bureaux de Tournai Curceau, de toutes ces demeures, avec le maire Vaillancourt, ont été perquisitionnés par l'UPAC, donc l'unité permanente anticollusion, qui est le bras armé de la commission Charbonneau, par extension, même s'ils n'ont pas de lien direct. Donc, il dit, à un moment donné, faut que... tout le monde calme. Ouais. Autre gros nom qui a annoncé, en toute surprise, sa démission, c'est Sylvain Lussier. Oui, ça me dit rien. Non. J'en ai pourtant parlé, les gars, ici. T'as un peu, là. Oui. J'essaye d'y penser. Non. Quand la commission s'est mise en branle, j'ai dit... vous m'avez demandé, est-ce qu'il va y avoir du croustillant? Ouais. Parce qu'on aime pour ça voir du monde jaser. Puis comme hier, il s'assinait sur la grosseur d'une dalle de béton. Pour vrai. Ah, j'ai ronflé. Honnêtement, là, c'était... Hier, yeah, c'était le contrat interrogatoire. Ouais, de Tony Zampino. Ouais. Mais là, c'est fini, là. Lui, il a fini sa job. Lui, c'est ça. Lui, c'est fini. On passe à autre chose. Aujourd'hui, c'est un ingénieur qui commence. Okay. Ça va être croustillant. Ouais. Ben justement, celui qui a dit ça va être croustillant, c'était Sylvain Lussier, qui était le procureur en chef de la commission Charbonneau. Il y a la juge Charbonneau et son bras droit qui est le procureur en chef, Sylvain Lussier. Mais Sylvain Lussier avait dit, attendez-vous, nous autres, on sait des preuves, puis on a commandé des personnes qui vont venir témoigner, là. Hey, ça va être assez rock'n'roll, même sexy des fois. Sexy? Oh, ben, comme Lino Zampino. Il en a dit pas mal, hein? Il en a dit, moi, je suis pas là. Mais il était comme un livre ouvert. Ben, il n'y a rien à perdre. Non, mais c'est ça. Ben ça, je vais juste ouvrir une parenthèse. C'est qu'il y a une loi au Québec. Quand tu es en commission, dévoiler tout ton stock, tu vides ton sac, tu peux pas être accusé là-dessus plus tard. Ouais, hein. Donc, si lui... Fait que c'est le temps, là. C'est le temps de tout vider. Tu ne pourras jamais être accusé sur ce que fait. Comme il a dit, oui, j'ai versé 30 000 piastres à X, il ne pourra jamais être accusé d'avoir fait ça. C'est ça. Mais l'autre, par contre, qui l'a reçu... L'autre, qui est dans... C'est là que ça va se passer. Donc, le procureur en chef, Sylvain Lussier, de la commission Charbonneau, a démissionné de son poste en raison de ses liens passés avec une firme perquisitionnée par l'escouade Marteau. L'escouade Marteau, c'est Ottawa. Donc, la société d'asphalte Desjardins. Ça n'a pas rapport avec le Desjardins qu'on connaît. Non, c'est une autre. Là. C'est comme Asphalte Plante ou Asphalte Marchand. C'est Asphalte. qui a déjà représenté Maître Lussier, fait partie des 25 firmes de construction ayant réclamé au gouvernement les plus importantes sommes supplémentaires par rapport aux contrats initiaux. Donc, c'est du charabia. Il y a tout ça pour dire que ces firmes-là ont fourré le gouvernement. Le gouvernement les a traînés en justice. Maître Lussier était leur avocat à ces firmes de fourrage. L'avocat du diable ou Lussier Fer? Oh! Je donne un 11 là-dessus. Merci beaucoup. jusqu'en août dernier, son nom, donc Sylvain Lussier, Maître Sylvain Lussier, apparaissait comme membre aussi de l'équipe Plan Nord de Jean Charest. Oh, hein? C'était lui qui devait défendre le Plan Nord. Et c'est lui qui a été nommé là par la juge Charbonneau. La juge Charbonneau qui a été nommée par Jean Charest. On voit des liens. Je sais pas. Hein? Ouais, c'est comme... pas très subtil. Non. Uh-huh. Fait que là, le Plan Nord n'étant plus... Maintenant, c'est un Plan Nord modifié que Pauline Marois parle. Là, elle a changé de nom. Bon, elle a changé de nom comme les taxes et des contributions. Là. C'est une bonne idée, ça. Frère, la gars, elle repompe-moi pas. Je commence à me dépomper de la semaine passée. Là. Donc, lui, c'était le cabinet d'avocats qui, justement, représentait le Plan Nord. Donc, les journalistes lui avaient posé comme question, êtes-vous en conflit d'intérêts? Je parle pas du Plan Nord. Sauf que quand le Plan Nord commence à être nommé dans la commission Charbonneau, quand les entreprises qui défendaient en tant qu'avocat font affaire et sont nommées à la commission Charbonneau... C'est assez questionnable. Il s'est auto-montré la porte. Disons. Ouais. Pour ne pas il était assez wise pour faire ça. Oui, parce qu'il pourrait être accusé et même dire que la commission Charbonneau est partiale, donc impartiale ou est biaisée. Hein? Ouais. Est biaisée. Accusé de quoi? Outrage, peut-être? Peut-être pas outrage, mais d'influence, de trafic d'influence, okay. peut-être, ou de conflit d'intérêts, au moins ça, là, ça c'est clair, ou apparence de. Vous voulez servir du terme mal biaisé? Mal biaisé. C'est tout mal biaisé, oui. Comme ça, mal biaisé. C'est ça, genre, t'as compris? Oui, pour l'instant. Oui, je comprends. Ben, merci, t'es fin. Il est pas biaisé. T'es pas si biaisé que ça. Mes jokes sont pas si intelligents que ça pour que t'y comprennes pas, là. Non, mais t'as un seuil minimal que je respecte. Il y a une belle barre. T'as une belle barre. Une belle barre. Une verge. Oui, donc peu après sa nomination comme procureur en novembre dernier, la presse, le journal La Presse, l'avait interrogé justement sur ses risques d'apparence, puis il avait dit Puis il avait même été avocat de la ville de Montréal quand il y avait eu des les fameux compteurs d'eau et tout ça. Alors que c'est lui qui défendait la ville, justement, puis les compteurs d'eau, c'était un flagrant délit de fourrage des fonds publics. Ouais, ça a été un échec lamentable. Là, et c'est ça. Donc, Sylvain Lussier, maître Sylvain Lussier, procureur en chef, a remis sa démission à la surprise générale. Fini. Donc, ce n'est qu'un au revoir, lui aussi, mais c'est sûr qu'on va le revoir. C'est un des meilleurs avocats du Québec. Donc, c'est sûr qu'on va le revoir. Le petit dernier, celui... En fait, c'est-tu le premier ministre de l'Ontario? Bravo! Il a pas l'air de même, mais il connaît sa politique vraiment ontarienne. Ben, ontarienne, moi. Ouais, ben, son père habite là, fait qu'il connaît ça un peu. C'est ça? Ouais, mon père reste là. Bon. Oh! Et donc, je ferai pas de joke de... Non, retiens-toi. OK, parfait. Donc, tu peux en faire. Dalton McGuinty, qui n'a aucun lien avec la famille Marchand. McGuinty, si ce n'est que la première lettre du nom de famille. C'est tout, à peu près tout. Donc oui, avec l'annonce surprise de sa démission de son poste de premier ministre de l'Ontario, McGuinty est soudainement libre de se présenter aux chefferies du Parti libéral du Canada. Oui, monsieur. Ouais. Il va le faire? Lui, dit non. Mais tu sais, c'est comme... C'est un agace. Il aimerait se faire désirer. Ouais. Mais son équipe de terrain, ça fait des mois qu'elle travaille dans l'ombre pour tenter le terrain, pour voir ses chances. Et selon des sondages internes, s'il se présente contre Trudeau, McGuinty passe haut la main. Mais ça, c'est des sondages internes, donc ils peuvent être mal biaisés aussi. Hey, tu l'as réutilisé. Hey, ouais, ça commence à pogner. Ça rentre. OK, mais... McGuinty, c'est ça son nom? McGuinty, oui. McGuinty, on le connaît pas du tout au Québec. Là. Ben, c'est le frère de l'autre, qui est député à Ottawa, c'est donc Parti libéral. McGuinty. Je mets son prénom. McGuinty. McGuinty. Pose pas de questions. Okay, ça veut dire pose pas de questions, j'en ai aucune idée, c'est un nobody. Okay. Moi, ça McGuinty, dit rien du tout. Ça fait 9 ans qu'il est au pouvoir, okay. Ça fait 15 ans qu'il est chef du Parti libéral du Québec. Et là, il démissionne, il est gouvernement minoritaire. Ça va mal avec la fonction publique, ça va mal avec les finances de l'État, ça va mal avec plusieurs syndicats, entre autres des professeurs. Bref, il est mis à la marde. C'est Jean Charest Junior, mais un vrai libéral plutôt qu'un libéraux conservateur. Mais oui, il décide de partir pour mieux restructurer le Parti libéral. Mais j'ai fait un petit calcul hier avec mes amis Facebook. J'ai demandé, à part le Québec et l'Ontario, de Youssef ce que ça va mal pour le Parti libéral. De Youssef ce que ça va mal pour le Parti libéral. Et je vais vous faire la liste, OK? Donc, on a à Québec une course à chefferie au Parti libéral. On a en Ontario depuis cette semaine une course en devenir. Ouais. On a Ottawa. Ottawa, ça, okay. C'est ce qui est connu. Là. C'est le plus couru. Donc, ensuite, la Saskatchewan se cherche un chef. Saskatchewan se cherche un chef. Pas facile à dire. Non. Terre-Neuve se cherche un chef. OK. Nouveau-Brunswick. Là, Terre-Neuve, c'est qui On les connaît pas, c'est les partis libéraux, okay. Mais tous les partis libéraux de ces provinces-là et de Ottawa se cherchent un chef. Okay. Donc, on peut-tu dire que ça va mal dans la cabane libérale? Parce que, en principe, quand tu es membre d'un parti libéral dans une province, tu as des affinités avec le parti libéral... De l'autre province. D'Ottawa, okay. Du pays. Okay. Donc, si à Ottawa, Justin Trudeau veut avoir une équipe de campagne, une équipe de terrain... Solide. Il va aller chercher des vrais libéraux, des donateurs libéraux. Donc, que ceux des provinces ne pourront pas avoir. Donc, si moi, je suis un grand libéral et que Justin Trudeau vient voir François, tu me donnes-tu 1 000$ pour ma campagne? Je vais dire oui. Si et seulement si. Mais si Philippe Couillard... c'est ça. Ou le frapper comme le conservateur. Là. Ah, j'aurais peur qu'il me sacre une volée. Ouf, pour 1 000$, il me ferait plaisir. Denis Coderre? Non, lui, j'aimerais ça, il s'est ramé. Ah. Ben, c'est déjà fait, là, mais en fait, j'ai réalisé un miracle. Mais... Et donc, si je donne 1 000$ à Justin Trudeau et que Philippe Couillard au Québec vient voir, dit François, peux-tu me donner 1 000$? Ben, désolé, Philippe, je l'ai donné à Justin. Donc, je peux pas te donner de l'argent. Par contre, je peux donner de l'huile de bras. Tu sais, je peux t'aider sur la campagne ou... du terrain. Là, Justin vient me revoir pour dire « Hey, François, tu m'as donné 1 000$, mais peux-tu m'aider à poser ta pancarte? » Désolé, Justin, j'aide Philippe Couillard. Donc, c'est la même clientèle toutes les courses à chefferie utilisent. Donc, ça va mal dans la famille libérale. Ils sont en train de se rechercher. Ils sont en train de se chercher de court. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le seul parti libéral au Canada où ça fonctionne très bien, c'est l'île du Prince-Édouard. Ça, il est fort. Il est fort parce qu'on s'entend que il y a 100 000 électeurs à l'île du Prince-Édouard. il n'y a pas de scandale là, certains. Le Parti libéral, ça va bien. Ils ont peut-être un député. Ça va bien. Ça va bien parce que, justement, on entend... Excuse-moi. Non. Ouais, je l'ai placé sous ta barbe, là. Ah, pour pas aller physiquement sous ta barbe, mais... Non, il est trop court. Patate libérale, c'est une bonne. Mais oui, tout ça pour dire que le Parti libéral, que ce soit du Canada, du Québec, l'Ontario, Saskatchewan, Terre-Neuve... on cherche. Nouveau-Brunswick et où... c'est ça. Ma liste est épuisée. On se cherche un chef. C'est la vieille garde qui quitte tranquillement pas vite pour une nouvelle garde. Mais la nouvelle garde, c'est quoi? C'est qui? Est-ce que c'est des jeunes avec des arrière-pensées du bon vieux temps? Ou comme Jean Chrétien, qui est la vieille garde, mais qui fait de plus en plus pression et campagne pour une fusion avec le NPD? Lui, il l'a dit ouvertement. Le salut du Parti libéral se retrouve au bras du NPD. Ah ouais. Ça en dit long. Et ça fait mal aussi que ça soit Jean Chrétien qui dit ouais. ça. Ouais, parce que lui, il a su c'était quoi. Mais oh, est-ce que c'est parce qu'il veut vraiment que la marque de commerce libéral demeure? Ouais. Est-ce qu'il veut vraiment pour le salut du Canada une fusion des forces progressistes, mais progressistes, entre guillemets? Ou ses idées, écoute, lui, un grand libéral, rejoignent plus peut-être celles du NPD maintenant. Ou il veut juste gouverner, puis qu'à un moment donné, la machine libérale va finir par... Englober, engloutir, avaler les néo-démocrates qui sont moins nombreux. Peut-être. Puis, dernière information avant qu'on se quitte sur du malajube. Yeah! Prends ton temps quand même. Non, ça va aller. Ça va tellement mal pour les partis libéraux, on l'a dit, mais en Colombie-Britannique, le Parti libéral qui va bien, somme toute, songe à changer de nom pour enlever le mot libéral du parti. Ben oui, hein. Hey. T'es sérieux? Ben oui. Comment ça va s'appeler? Le parti de... Bilatéral. Bilatéral, j'aime ça. Bilabial, hein? Quoi? Ben oui, justement, ils sont en train de songer à changer de nom pour ne pas être associés au Parti libéral des autres provinces. Donc, c'est une marque de commerce que j'investirais pas trop là-dedans. Le Parti... Tu fais juste enlever les lettres, t'appelles ça le Parti libre. Ou le Parti réel. Réel. Réel. Réel. Real estate. Hein? Spécialité, non? Non? C'était quoi ça, donc? Une vieille pub, Télépirate, ça. Ben non. Ah, Télépirate. Ben oui, ben c'est ça. C'était avec Guy Jodoin et compagnie. Ben oui, c'était bon, ça. Génial. Hey, merci de ta contribution. Contribution. Clin d'œil. DGEQ, j'ai signé mes papiers. Okay. Tout est légal. Tout est légal. Il n'y a pas d'enveloppe brune dans le tuto. Non. Pas de personne mal biaisée nulle part. Ben, à part retourner à Curso et la Commission Charbonneau. On va continuer à l'utiliser pour vraiment intégrer dans un. Et t'as fait ta contribution pour la santé aussi? Pas encore. On n'a pas d'impôt. Ben non, sur le mois d'avril, François. Ouais, c'est pas tout de suite. Mais pompe-moi pas. Hey, pour revenir en arrière un petit peu, pour corriger, le frère de Dalton McGuinty s'appelle David. Oui, c'est ça. David McGuinty. David. Il représente le comté d'Ottawa-Sud à la Chambre des communes depuis 2004. C'est bien. Merci, Wikipédia. Une famille... toujours pratique. Merci Wikipédia de montrer la signature physique du gars. En plus. Sa marque signature, puis là, il y a sa signature. C'est bien fait. Je vais aller scanner ça pour mon chèque. Ouais, c'est ça. Ça va être utile. Donc, merci François-André. À jeudi prochain, 8h30. Fait plaisir. Oui, excuse. Je t'ai parti dans le mal. T'étais déjà parti? Oui, non. Je ce n'est que nous revoir. nous, on va se quitter ici. On va entendre du malajube pour terminer l'émission parce que François la demande depuis le début. Hein, je suis fatigué avec ça. Un petit peu, mais tu vas l'avoir eu au moins. T'sais? Ouais, exact. C'est ça. Donc, lundi, à l'émission Alexandra Carignan et sa chronique Le temps d'une culture. On aura aussi... Sébastien Dubé? Non, il est venu la semaine passée. C'est vrai. Pas de Véronique Mire non plus. Non, donc on fera du Kinky Sexy Time encore. Oh! Hey, mur à mur. Tu vas asperger ça partout. Hey, Ça va splocher. Squirter. C'est quoi squirter? Squirter? Non, mais c'est... Tu m'expliques ça lundi? C'est un terme... Et puis tantôt, j'ai aussi enseigné le terme queef. Là, ça, je ne connais pas. Q-U-E-E-F, t'y revois. Ouais, tu tapes ça sur Google. C'est un pet, mais de. Ah! L'autre bord. OK, donc. Bye. Ouais, bye. Et restez sur nos ondes quand même. Là, on va pas juste s'en aller de même. Restez avec nous pour le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, je serai de retour à 15h avec Alexandra Carignan et l'émission Les Palmarès, c'est fou. À 18h, c'est l'émission sur les discussions de la vie étudiante en soirée au coin du feu. Puis on a de l'électronique à 19h avec 13e étage et électrotactile à 21h. Allez voir cif.ca pour les émissions, la programmation, etc. Et sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. On remercie François Landry, on remercie les gens de Réunion Stellar 4. Merci, oui, merci beaucoup. Et je pense que c'est à peu près ça, finalement. On se quitte avec Malajube et Étienne Daou tout de suite, puis bonne fête à vous. Bonne fête à même. Au revoir. On voit lundi. Pour une dernière fois. C'est la chanson, elle dit ça, en plus, ça fait tout le monde.